Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. C'est inattendu. Je pense que c'est la première fois que je vois la patoire aussi bien que ça. Donc, merci à vous. Tous, par curiosité, levez la main ceux qui sont au cégep. Sur les étudiants et les étudiantes du cégep. Les étudiants et étudiantes de l'université. L'université. Les travailleurs et travailleuses. Ça tombe bien parce qu'on ne prend pas beaucoup de mouvements étudiants ce soir, on va parler de mouvements étudiants tantôt. Alors, c'est une conférence qui s'intitule Histoire des luttes contre les oppressions au Québec depuis le 19e siècle. Alors, c'est assez large. On va faire une sorte de marathon. On va s'enchaîner, moi et Olivier, pour essayer de conciser ça le plus possible, au point français. C'est une conférence qui est organisé par le collectif anticapitaliste Subversé, le collectif de mobilisation. Sur Internet et Facebook, probablement vous êtes déjà abonné. Alors, le but de la conférence de ce soir, c'est un peu une tentative de faire une sorte de récit historique alternatif qui n'est pas strictement internationaliste et évidemment qui n'est pas nationaliste. Avec une sorte d'angle, un peu région, plutôt en fait la ville de Québec, parce qu'on parle toujours à l'histoire des grands centres. Donc, c'est comme une sorte de. On essaie quelque chose. On est à Québec ici, alors on va avoir un petit angle de Québec ce soir. Puis, vous allez voir que ça va toujours être la ville réactionnaire de droite, que c'est devenu aujourd'hui. Ceci étant dit, moi, mon nom, c'est François G. Couillard. On n'est pas italien, les deux. Oui, on n'est pas italien. Donc, s'il y a des historiens, dans la salle, ceux qui grincent des dents quelquefois. Et comme je vous dis, c'est un work in progress, donc à la fin, un échange avec vous si vous avez des trucs qu'on pourrait ajouter. N'hésitez pas à le dire. Donc, c'est ça. Moi, je suis François G. Couillard. J'ai eu le grand bonheur de travailler sur deux projets qui vont en fait m'intéresser de loin, puis de près, je veux dire, à l'histoire, à l'éducation populaire de Québec. Il y a eu deux projets. Un projet piloté par le COMPOP, le plus populaire Saint-Jean-Baptiste. C'était le projet Le Faubourg, une histoire populaire, qui est un site internet avec des récits sur les luttes urbaines. Puis, par la suite, j'ai travaillé aussi sur Saint-Roch, une histoire populaire. Ça, c'était organisé avec le Conseil des quartiers Saint-Roch. Ça m'a permis de m'intéresser à l'histoire, en tout cas, au moins de la ville de Québec, de même de certains quartiers, qui ont une sorte d'histoire ultra locale. Puis, je crois que ça a été. Puis, Albert, ça c'est le nom du pseudo. Mais ouais, mon nom c'est Olivier, militant, historien, plutôt spécialiste des nouveaux mouvements sociaux, dont des 30-40 dernières années, mais quand même passionné et intéressé par l'histoire politique québécoise. Une des idées qui m'est venue, en tout cas, personnellement, m'est venue pour. Un grand dérangement qui pourrait les agacer. Ce que je pensais, c'est d'aller s'asseoir avant le plus cher. Il y a une chaise là. Il y a une là-bas qui sert de vestiaire. Une des idées derrière le récit qu'on tente de construire, c'est de voir ça ressemblerait à quoi une culture politique et historique militante serait partagée par un grand nombre de personnes qui seraient peut-être relativement consensuelles ou qui débattraient là, dans l'espace culturel. On sait très bien qu'il y a une culture nationaliste, avec un récit nationaliste, qui des fois est plutôt plus complexe, des fois plutôt simple, sinon simpliste. Tourné autour de la question nationale québécoise, qui n'est pas forcément faux, mais qui appartient à une branche particulière là, du cadre politique. Mais on peut l'expliquer. Et par ailleurs, aussi le fait qu'aucun livre d'histoire populaire, hein, vous avez peut-être déjà lu l'histoire populaire des États-Unis, l'ouvrage extraordinaire, que j'ai toujours lu, qui permet de faire le fond, le récit là, en différentes luttes. On arrive ici à une histoire québécoise qui est disposée en différents fragments, difficile à agencer. Sauf pour dire que les gens qui dominent, qui ont construit un État colonial, qui ont construit une société patriarcale, une société capitaliste, Le seul manuel que j'ai réussi à trouver d'histoire populaire québécoise, il est vraiment vieux, et édité, réédité un petit peu plusieurs fois, mais quand même ça date. Petite histoire du Québec. C'est fait par des gens influencés par l'idéologie de la décolonisation. Ouais. C'est intéressant, si par exemple les Amérindiens occupent un certain espace, j'ai pas vu de perspective féministe particulière, mais ça date de quand même très longtemps. Et surtout, la discipline historique, elle a évolué, elle a appris des choses, et de nouveaux cadres de fait qui sont. Peut-être quelqu'un, je pense que quelqu'un qui peut faire un point, qui peut nous avancer un petit peu. On a fait une tentative de PowerPoint et évidemment, il est tout à fait inaccompli, là, c'est un marathon, un work in progress, et après, on prend, je pense que... Éthiquement, comment est-ce que je te dis, on peut difficilement commencer une histoire des luttes contre l'oppression, toute forme d'oppression, hein. On parle du patriarcat, du capitalisme, de l'État, sans parler des questions amérindiennes. Pourtant, c'est très difficile, par mes propres insuffisances personnelles. Je ne sais pas si vous avez été à l'école, si vous avez étudié pendant la réforme de l'enseignement, mais là on parle des Amérindiens, hein, dans beaucoup plus que dans mon temps. Mais on en parle surtout pour évoquer la Nouvelle-France, hein, tout ce qui s'est passé avant la Nouvelle-France, avant la conquête. Et c'est plutôt difficile aussi de parler de l'histoire des Amérindiens après. Il y a très peu d'ouvrages historiques qui ont été développés après la conquête, et encore plus depuis la Confédération, depuis 1867 et la Fondation du Canada. Il y a évidemment bon, quelques cartes que vous connaissez probablement qui sont intéressantes, c'est là qui relève de la géographie. Parce que là, on peut commencer l'histoire canadienne, là. C'est typiquement, bon, vous connaissez un peu votre géo, là. Il y a même une ligne séparée du Canada, des États-Unis. On va parler là, des Algonquins là, en rouge, là, c'est numéro 3. Numéro 4 en vert, c'est les populations iroquoises. Un peu plus loin, s'il vous plaît. Si vous remontez, qu'est-ce que ça donne? Un peu plus haut. Montez. Plus haut, par là? Ah non! Ah oui! Bon! Évidemment, culture. Tout le monde doit connaître les différentes nations amérindiennes. Ça va, hein? Peut-être pas les petits points. Ça, c'est triste à dire, parce qu'on résume les Amérindiens à des petits points, des réserves, évidemment. Mais il faut au moins connaître le nom des nations. Ça va. C'est sur une carte québécoise, c'est reconnu. Les Amérindiens sont relativement appropriés, mais ça réduit le territoire amérindien sur des points. Hein? Non, pas sur. Territoire qui est plus grand. Dans certains cas, c'est déjà un peu plus grand là, avec les conventions de la Virginie et compagnie. Mais il n'y a après aucun traité sur celui de la Virginie, évidemment, qui a été signé. Ce qu'on arrive comme difficulté, c'est des difficultés aussi qui relèvent de temps et d'espace. Cette carte-là, elle s'est restreinte sur une carte du Québec. Mais évidemment, si on avance un peu la carte, si on avance un peu PowerPoint, finalement, il faut remonter plus haut. Désolé, je suis vraiment désolé pour les droits d'auteur, il n'y a aucune source. Si vous voulez, faites Google, vous le trouvez. Encore plus haut, s'il vous plaît. C'est une question de temps. Bon, hein, d'où on peut remonter la question des revendications amérindiennes? On peut commencer de le début avec les premiers contacts, la colonisation initiale. On peut résumer ça à une violence entre deux sociétés qui auraient des valeurs incommensurables, complètement différentes. Hein. Et là, on arrive quand même à quelque chose qui est plutôt particulier. On arriverait avec deux sociétés qui seraient incapables de communiquer, européennes, amérindiennes, et peut-être aussi une perspective qui serait un peu raciste d'un certain côté. Parce que ça voudrait dire que les Amérindiens ne pourraient pas évoluer, ne seraient pas adaptés, et qu'il n'y aurait pas de dialogue, qu'il n'y aurait pas eu possibilité d'un développement différent, et que maintenant aussi, on arriverait à deux sociétés complètement différentes. Ça, c'est pour le premier temps, un temps long, hein, qui remonterait peut-être à Christophe Colomb. Mais évidemment, la question des droits amérindiens viennent d'où? Il faut aller un peu plus loin. Juridiquement, on a quelque chose qui est assez clair. Ça, peut-être qu'on est un peu chanceux ou malchanceux au Canada, on arrive à quelque chose qui arrive tout de suite après la conquête, hein, la conquête avec un C majuscule, la Nouvelle-France, et donnée à la couronne britannique. Qui est suivi tout de suite après par quelque chose qu'on appelle la proclamation royale. Hein, on est beaucoup plus loin dans le temps après Christophe Colomb. On passe l'histoire de la Nouvelle-France, hein, on se rappelle que nous, on peut monter dans le 19e bientôt. On arrive en 1763. Et là, il y a quelque chose qui est clair dans les droits amérindiens, c'est qu'ils se réclament généralement, et elles se réclament de la proclamation royale de 1763, où la couronne britannique reconnaissait clairement les droits des Amérindiens et des Amérindiennes. Dans certains cas, de façon assez précise, et dans d'autres cas, de façon assez floue. Évidemment, ça a été relativement trahi. Par contre, on sait ce qu'il devait au moins protéger. Mais par contre, en même temps, ils les reconnaissaient exclusivement comme des sujets de la couronne britannique. Comme si tout ce qui s'était passé avant, comme si les ententes que la Nouvelle-France, la couronne française avait avec les Amérindiens et Amérindiennes, incluaient le fait que les Amérindiens et Amérindiennes reconnaissaient la royauté française comme étant leur roi. Il y avait quand même quelque chose d'un peu similaire à ça. Et qu'on commençait un peu à zéro avec la Confédération royale. Ça, c'est pour un deuxième temps qui est quand même très important. Celui de la proclamation royale. On va avoir aussi, bon, quelques éléments d'histoire où la couronne britannique va reconnaître quelques droits, où les Amérindiens et Amérindiennes vont reconnaître des droits qui datent de la Nouvelle-France. Par exemple, les seigneuries. Les Amérindiens et Amérindiennes vont revendiquer des droits sur les seigneuries sur lesquelles ils habitaient. Pour la très bonne raison que si la couronne française octroyait une seigneurie à certaines communautés religieuses, c'est parce qu'ils devaient y avoir un usage exclusif des seigneuries en question pour la production et la reproduction des réductions amérindiennes. Ensuite, il y a quelques éléments là, concernant un temps. On se rapproche de plus en plus, on a parlé un peu de la proclamation royale. On peut parler, si on descend un tout petit peu aussi, de l'acte de Québec en 1774. Ah oui, on était sur la bonne carte, quand même assez intéressant. Pour beaucoup de conflits. Bon, on prenait ici là, les débuts là, de la province of Québec, ici là, avec le petit pointillé. Et en 1774, la couronne britannique, tout juste là, avant la guerre d'indépendance américaine, octroie des territoires, somme toute, assez vastes aux Amérindiens et Amérindiennes. Le territoire ici, bon, ce qui reste du Haut-Canada, le territoire du Mississippi et une réserve amérindienne juste là. Ça va être aussi, là, vous savez probablement, un élément déclencheur de la guerre d'indépendance américaine. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que non seulement les Amérindiennes vont se revendiquer de la formation royale, mais ils vont aussi avoir un intérêt par rapport à cette carte-là, cet élément géographique-là. Parce que c'était un territoire qui leur était supposé être exclusif à eux. Et à partir de 1774 et la guerre d'indépendance américaine, vont se succéder une série de guerres qui, oui, vont démarrer entre Britanniques et Américains, mais beaucoup entre Amérindiens et Indiens et Américains, et la future fédération américaine. Et là, on parle d'une guerre finalement qui est un peu éternelle, par escarmouche, par déclenchement, par prophétie religieuse, qui va se terminer par une guerre dont on a fait la commémoration. Donc, vraiment, comme on a fait la commémoration récemment, 1812-1814, qu'on appelle la guerre américano-britannique. Guerre qui a presque été déclenchée en 1811, avant par une grande confédération amérindienne. Je me souviens plus c'est dans quel coin, c'est autour du Mississippi, qui a décidé que littéralement envahi là, un bout de colonie qui avait été envahi là, par les Américains. Ce qui signifie que, non seulement après la conquête des Amérindiens et Amérindiennes étaient des acteurs du sujet de leur propre histoire, mais qu'ils ont résisté, bon, ici souvent plus contre les Américains que contre les Britanniques, considéraient les Britanniques un peu comme étant leurs protecteurs ou à tout le moins des gens qui reconnaissaient leurs droits, alors que les Américains, colonies très peuplées, voulaient étendre leur colonie, hein, fonder des États comme l'Indiana, ce genre de choses. On arrive sur des temps de plus en plus proches, de plus en plus intéressants. Un troisième temps, qui est beaucoup plus tardif, 1840-1850, on arrive avec l'élaboration des lois qui vont être introduites plus tard avec la loi sur les Indiens, où là, finalement, on va reconnaître les droits aux Amérindiens et Amérindiennes dans un cadre de mineurs, de personnes mineures, un peu comme des femmes ou des enfants. On va leur enlever beaucoup de droits juridiques en même temps. Ils n'ont pas le droit, par exemple, évidemment, de faire de prêts, ce genre de choses-là. Ça va être très difficile pour eux d'avoir un prêt à la banque, quelque chose comme ça. Et surtout, ils vont être réduits, avec la loi sur les Indiens, à un système de réserve, hein, de réduction sur des points. Des éléments de territoire qui sont très petits, surtout au Québec. Dans l'Ouest canadien, c'est un peu différent. Et, bon, cette loi amérindienne-là, qui a été refondue quelquefois là, au courant de l'histoire, a perduré là, jusque tourisme. On a octroyé le droit de vote aux Amérindiens en 1961, si je me souviens bien. Et maintenant, évidemment, la Charte des droits et libertés s'applique aux Amérindiens amérindiens. Ça, c'est un troisième temps. Maintenant, bon, est-ce qu'il y aurait un quatrième temps? On pourrait l'appeler le temps des traités modernes. La Convention de la Beijing en est un. Ce serait probablement le temps d'inventer un cinquième temps du côté des Amérindiens et Amérindiens. Peut-être pour quelque chose de très local, on pourrait penser à les revendications, par exemple, des Wendat. Hein? C'est quand même quelque chose d'intéressant. Pour les Wendat, on fait référence à tous ces temps-là. En premier, les Wendat ont revendiqué, par exemple, quelque chose qui s'appelle les 40 arpents. À un moment donné, sous la pression là, de la petite municipalité de Lorette, ils vont se faire accaparer, vendre 40 arpents. Et là, c'est fou, hein. Il faut savoir que les Amérindiens et Amérindiennes, à chaque fois qu'ils ont perdu des éléments de terre sur leur territoire, leur communauté, les ont revendiqués avec vigueur, régulièrement, tout le temps, en envoyant des pétitions, puis des pétitions, puis des pétitions à la Couronne, pas à l'Assemblée nationale, ou plutôt rarement à l'Assemblée nationale, mais ils l'ont fait régulièrement. Ah, une revendication. Deuxième revendication, vraiment plus vieille. Le traité Huron-Murray, hein, le général Murray là, qui a fait la conquête, ben, le traité Huron-Murray qui date de 1763 aussi, si je me souviens bien. Pour les Amérindiens, ça, pour les Wendat, d'après ce que j'ai compris, ça revendique un peu leur autonomie et leur indépendance. Hein. Ils ont le droit de vivre comme ils le désirent, grosso modo. Et probablement aussi que ça leur octroie des. Là, j'ai pas tout compris, c'est un peu complexe, hein, le droit de ce côté-là, les droits de chasse, ce genre de choses-là, plus loin dans les Laurentides. Grosse revendication, encore plus vieille, ils revendiquent les droits sur la seigneurie de Sillery. Seigneurie de Sillery, là, c'est gros, là, c'est Tasserie. C'est Tasserie, l'aréopard, ce genre de choses-là. Ils ont toujours perdu devant la loi, en cours de justice, mais il y a quand même quelque chose qui est costaud de ce côté-là. Normalement, les Jésuites se sont installés à cette ville. C'était pour protéger les Amérindiens, les alimenter, ce genre de choses-là, et avoir, là, évidemment, les évangélistes. Les politiques canadiennes qui ont été développées après la loi sur les Indiens visent deux objectifs complètement différents. L'émancipation, l'assimilation d'un côté, puis de l'autre, la protection paternaliste. Et cette contradiction-là, entre ces deux politiques-là, conduit quelque chose de très bizarre. De un, les Amérindiens ne se sont jamais émancipés. Et ils se sont difficilement assimilés. Bon, c'est vrai que la politique d'émancipation était très difficile. Grosso modo, c'est après 3 ans de bonne conduite, pas d'alcool, vous êtes marié, vous êtes un bon chrétien, blablabla, venez signer un document, vous allez devenir émancipé, vous allez maintenant payer de l'impôt, avoir un bout de territoire, puis avant ça, vous allez négocier votre conseil de bande et vous allez devenir un bon citoyen sur une communauté canadienne. Et je vous le dis, en peut-être 50 ans là, de politique d'émancipation, là, c'est à peine si on peut compter les centaines d'Amérindiens et Amérindiennes au Québec qui se sont émancipés. Donc la politique d'émancipation, concrètement, juridiquement, c'est presque jamais appliqué. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un peu plus d'émancipation, et puis ensuite le phénomène s'est complètement arrêté pour une raison probablement qui est l'émergence d'un nouveau nationalisme canadien. La deuxième politique, c'est celle de la réduction, hein, sur un territoire paternaliste, protégé. J'en ai parlé un petit peu. Où il y a un agent là, du département des affaires indiennes qui est géré par le fédéral, hein, jamais par le provincial, encore moins par le ministère, qui va empêcher, par exemple, qu'il y ait des mauvaises ventes qui se passent, des mauvais commerces, ce genre de choses-là. Il va y avoir quelque chose d'un peu particulier, puis il va aider par un effet de boomerang, la résilience des Amérindiens et Amérindiennes, le fait que tout ne va pas assimiler. C'est celui que, finalement, le territoire de la réserve, de la communauté, ça va leur coûter cher aux Amérindiens et Amérindiennes quand même, va devenir un lieu de résistance. Un lieu où ils vont parfois sont placés des politiques égalitaires et démocratiques par des lieux de pouvoir qui vont être renouvelés périodiquement autour du conseil de bande et l'élection d'un chef. Un chef amérindien, d'un homme, contre la tradition démocratique ou en parallèle avec les traditions démocratiques qu'il va avoir auparavant. Mais ça va devenir leur lieu de résistance, la réserve. Fait que non seulement ils vont avoir cette question-là d'avoir une citoyenneté indépendante, vivant un petit bout de territoire, une communauté, qui vont leur servir de lieu de revendication à renouveler périodiquement. Et on arrive là maintenant avec cette question-là, on se dit, bon, la loi sur les Indiens, il faudrait peut-être l'abolir, ce genre de choses-là, c'est un peu débile, cette double citoyenneté-là séparée des Canadiens canadiennes, mais c'est devenu un lieu de résistance identitaire qu'il faut peut-être amender, modifier, mais qui leur est devenu en propre un élément auquel ils n'échappent pas. T'sais. Ils n'ont pas voulu s'émanciper et les réserves existent encore. Et là, ça devient très difficile de faire une histoire amérindienne pour la période après la Confédération. C'est très maigre, très peu de source. Si vous étudiez une histoire plus dans cette direction-là, c'est vraiment un travail particulièrement intéressant à faire. Il y a un manuel qui a été écrit récemment, Histoire amérindienne, post-Confédération au Québec. La première critique qu'on en a faite, c'est oui, mais les sources sont très faibles, il n'y a pas grand-chose. Il faut vous enregistrer, il faut qu'il y ait des strings, c'est rien. Se rabattre de ce côté-là. Et là, je viens d'élaborer une histoire qui se fait en parallèle avec l'histoire des autres luttes contre l'oppression. J'ai pas eu le temps de parler d'économie politique ou du droit amérindien, ni des Amérindiennes, je suis vraiment désolé. Et j'ai pas eu le temps non plus de faire un lien ou des ponts avec des luttes contemporaines. On pourrait plus loin dans l'histoire, à partir peut-être des nouveaux mouvements sociaux, à partir des luttes altermondialistes, voir les ponts, hein, les interfaces qui sont élaborées avec les autres mouvements sociaux, mais là, ici, ce serait vraiment trop long à élaborer de ce côté-là. Oui, tout. Non, mais je vais continuer avec Non, pas de problème. Je l'ai dit, c'est un marathon. On a un travail d'arrache-pied, c'est épouvantable comme travail. Mais c'est toujours cette question-là de quelle serait une culture politique propre aux militants, les militants actuels. On parle à partir du 19e siècle. On ne peut pas échapper à la question des patriotes. Et je vous avoue, j'ai essayé de tout faire pour éviter cette question-là. En associant la question des patriotes à la question nationale. Non pas que je suis un anti-nationaliste virulent, c'est pas ça la question, mais j'y voyais peu d'intérêt. Les deux thèses historiographiques dominantes là, dans la question des patriotes, on commence là, à revenir sur ces thèses-là, sont assez simples. Il y avait une thèse qui était fédéraliste, et bon, la thèse antinationaliste fédéraliste qui était dominante très longtemps, c'est celle où les patriotes, c'est un mouvement qui est réactionnaire. Ce sont des élites réactionnaires là, autour de Papineau qui luttaient contre le progrès, contre la modernité, contre le capitalisme. Et puis, le projet de la colonisation du Canada, c'est un projet capitaliste où on veut insérer la société dans une économie marchande, hein, atlantique, où il y a un commerce, des exportations. Ici, on a le port du bois, ce genre de choses-là, à Québec. Et les patriotes, hein, ce serait des réactionnaires. La deuxième thèse, qui est devenue dominante, je pense, aussi dans notre imaginaire, c'est plutôt la posture qu'on a dans l'Est, évidemment, la thèse nationaliste, où essentiellement on aurait un conflit de nationalité. Hein, où d'un côté, il y aurait les Canadiens français, à l'époque, on les appelait Canadiens, c'est pas important, puis de l'autre, les Britanniques, et inévitablement, hein, il fallait que quelqu'un en affrontant autour de ce côté-là. On sait globalement, les patriotes au début, qu'on appelle les réformistes, au début du 19e siècle, dans les années là, 1800, 1805, 1810, c'est un mouvement qui revendique des nouveaux droits et qui s'inscrit avec un début de démocratie représentative au Québec où le suffrage est particulièrement étendu. Pour une société occidentale, c'est vraiment particulier. Presque tous les hommes et quelques femmes ont le droit de vote, tout simplement en possédant un lot de terrain. C'est presque le suffrage universel. Hein. C'est plutôt spectaculaire. On n'a jamais lutté pour avoir le droit de vote ici, hein. Contrairement aux Américains, pas les Américains. Vraiment aux Britanniques ou aux Français. Et les deux thèses en question sont insatisfaisantes. Il y a une autre thèse que je peux défendre ici. C'est que oui, il y a eu probablement une question de nationalité. Entre autres, lorsque le conflit est devenu viscéralement extrême hein, et que lors d'un conflit militaire, les affrontements deviennent forts, c'est sûr que la question de nationalité risque de ressortir. On le voit maintenant, dès qu'une question guerrière, l'autre hein, arrive rapidement avec un A majuscule. Mais à l'époque, on peut aussi imaginer la question des patriotes comme étant une lutte contre l'absolutisme, contre l'ancien régime, contre les structures de l'ancien régime qui étaient représentées au Bas-Canada, entre autres par les seigneuries, même si Papineau est un seigneur, par d'un côté une élite bourgeoise libérale, les patriotes, les grands noms qu'on connaît, qui vont se coaliser avec deux autres catégories qui était perdante avec la transformation de la société canadienne en une société progressivement capitaliste et moderne, mais toujours dans les structures d'ancien régime seigneurial, malgré la conquête. C'est-à-dire, d'un côté, le début d'un prolétariat à Montréal et à Québec, et d'un autre, la paysannerie. Ce qu'on sait, c'est que le mouvement des patriotes, lui, a eu une bonne adhésion dans les comtés du sud du Québec, moins dans l'est du Québec, et qu'il a été très fort dans les zones rurales. Bon, peut-être qu'à Montréal, l'armée était trop grosse, trop forte, trop puissante. Et à Québec, la même chose, c'est assez cool. Mais l'adhésion de la paysannerie, elle, il faut bien qu'elle se justifie. Elle ne se justifie pas forcément pour une question nationale. Pour très bonne raison, la paysannerie ne côtoie pas forcément les élites et les anglophones en général. C'est deux mondes qui vivent de façon assez séparée. Par contre, la paysannerie, elle vit les exactions, les prédations des nouveaux seigneurs qui vont augmenter les taxes, qui vont inventer des nouveaux droits seigneuriaux, ce genre de choses-là. Et probablement que les patriotes, eux, ont développé dans leur discours plusieurs revendications, entre autres dans les 12 résolutions qui ont été envoyées aux Anglais, aux Britanniques. Ils ont réussi à trouver une façon de coaliser la paysannerie contre la seigneurie, contre le régime britannique. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été forts et qu'ils ont levé les armes aussi. L'anecdote locale, le cas de Québec est plutôt particulier, c'est un petit peu gênant. La ville de Québec a très peu participé au mouvement des patriotes. On prend bien sûr l'histoire de Québec, crise du 1837. En gros, on imagine, il y avait plein de bons patriotes qui avaient été élus à Québec, qui étaient à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée législative, on l'appelait à l'époque. Et dès que le mouvement des patriotes s'est radicalisé, leurs parleurs ont été foisés. Donc, il y a eu peu d'assemblées populaires à Québec. Comme on connaît le mouvement des patriotes comme étant un mouvement, par exemple, où on peut réunir des milliers de personnes sur les places publiques. Et c'est un peu comme ça que les patriotes se sont dit, bon, on est peut-être prêt à lever les armes, hein, on a l'adhésion populaire à des grandes assemblées publiques comme ça, pourquoi pas. Ici, il y en a eu très peu, jusqu'à temps que les élites, finalement, finissent leur processus de trahison, puis se disent, bon, qu'est-ce qu'il y a avec Papineau? Vas-y, fais là ta rébellion, mais nous, on va pas embarquer. Et ceux qui vont embarquer dans le mouvement des patriotes à Québec, ben, c'est des ouvriers, c'était pas des élus, c'était pas des députés. Beaucoup des ouvriers irlandais, qui travaillait sur les chantiers navals de Québec. Là, François va nous en parler bientôt de ce côté-là. Vous connaissez l'histoire, là, on peut se ressasser dans l'histoire canadienne, une série successive là, de défaites et d'échecs. Le mouvement des patriotes avait peu de chance d'aboutir et a été violemment réprimé. Ça a eu un coût très fort, très cher. D'une part, les patriotes n'ont pas réussi à coaliser les Amérindiens, qui représentaient encore une force militaire relativement forte. D'un côté, on a vu des catégories sociales qui ne sont pas forcément entrées en dialogue les uns les autres, ou du moins s'ils sont entrées en dialogue, c'est par leurs élites, la paysannerie, les ouvrières et une bourgeoisie libérale. Bourgeoisie libérale qui continue à revendiquer des droits, qui continue à lutter contre l'obscurantisme de l'Église, qui est devenu, qui a commencé une montée très forte après le mouvement des patriotes. Hein, on parle du début d'une grande noirceur, d'une noirceur, disons, après les patriotes, autour d'un organisme qui était l'Institut canadien. Mais, disons que les patriotes, ceux qui leur ont succédé, avaient peu de choses à dire aux ouvriers ou aux ouvrières, et encore moins à la paysanne. Même s'il y a eu quelques moments où on levait encore le drapeau patriote à Québec, mais pas à Québec, à Montréal et dans d'autres organisations. Bon, je vais laisser François parler du début de la prolétarisation. Je l'avais commencé à l'évoquer dans notre marathon. écrit un peu plus vers la révolution industrielle. Enfin, je vais parler de la période qui a précédé la révolution industrielle. C'est un peu ce qui mène dans le système capitaliste qu'on connaît. On a appelé la prolétarisation pour le début de la prolétarisation. Ah non. Alors ça, je ne sais pas tromper, c'est une image qui, je pense, qui date des années 80, mais ça représente un peu ce que c'était la cordonnerie traditionnelle. Parce que je vais parler de la cordonnerie particulièrement, parce que c'était très important dans la ville de Québec, et puis c'est représentatif, je crois, de plusieurs autres métiers qui vont avoir un changement, qui vont avoir un grand bouleversement au 19e siècle. Pour vous donner une idée, en 1840, les cordonniers vont commencer à adopter un nouvel outillage, ce qu'ils n'avaient jamais fait depuis l'époque médiévale. Depuis l'époque médiévale, on travaillait toujours avec des petits marteaux, des petites ciseaux, etc. Et on commence à changer tout d'un coup son outil. Donc, le métier du cordonnier se convertit, on passe de l'artisanat à la manufacture. Et la structure traditionnelle du travail va changer. C'est quoi la structure traditionnelle de travail? C'est le modèle, le trio maître, compagnon, apprenti. Et on va passer à un modèle plus, autoritaire, capitaliste, marchand. Le système traditionnel, c'est le système qui prévalait juste depuis l'époque médiévale. Qu'est-ce que c'est maître, compagnon, apprenti? Ben, le maître, c'est celui qui fabrique la chaussure. Comme je vous dis, cordonnerie, ça représente aussi beaucoup d'autres métiers, mais je parle juste de cordonnerie. Maître produit la chaussure, tient la boutique, va évidemment faire tous les contacts avec les fournisseurs, va vendre ses souliers, va choisir le matériel, tout ça, c'est vraiment l'artisan. Le compagnon va aider le maître, il va travailler dans l'atelier du maître, dans l'espoir d'éventuellement acquérir des capitaux suffisants pour lui-même ouvrir une boutique. Puis l'apprenti, lui, il est là pour apprendre le métier, et il va être hébergé et nourri par le maître. Donc, il n'y a pas de salaire. Et le maître, c'est quelqu'un qui n'a pas de capital, il n'y a pas d'inventaire non plus. Dans sa boutique, vous allez voir les étals, ils sont vides. Vous faites une commande, vous dites, j'aimerais savoir deux paires de souliers, c'est bon, rien en 3 mois, je vais t'en enlever ça. Et c'est souvent aussi quelqu'un qui n'est pas très, très riche. Mais c'est un travailleur qui contrôle toute l'université de son travail. Donc ça, c'est le fonctionnement traditionnel. Il y a un bouleversement là-dedans. Le bouleversement serait arrivé aux États-Unis dans le domaine de la fourniture aux armées. Alors, tout d'un coup, il y a un nouveau venu, le capitaliste marchand, qui va se mettre à chapeauter à la fois le maître cordonnier et ses compagnons. Le maître va donner enfin un contre-maître dans sa manufacture. Et il apparaît les factories, on dirait au Québec, les factories. Dans le fond, c'est un lieu dans lequel, c'est comme un entrepôt dans lequel on conserve la matière première et les capitalistes refilent du travail aux boutiques et chez les travailleurs et travailleuses à la maison et ils récupèrent le produit fini. Donc, on commence à développer une nouvelle méthode de travail plus rapide. Et ce qui aurait encouragé ce mouvement-là, l'agrandissement des ateliers, ce serait l'accès au marché d'exportation. Je présume que c'est grâce à l'amélioration du transport, notamment de train. Donc, il y a un changement dans l'organisation traditionnelle du travail. Les maîtres se mettent à verser des salaires à leurs apprentis, ce qui est une question de poche connaître. Et il va y avoir un phénomène assez curieux. Alors, on produit les souliers plus rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Les salaires baissent. Curieusement. Le système est ainsi fait. En 1820, les salaires annuels vont passer de 36 livres à 20 livres. Comment on explique ça? Bien, c'est tout simplement parce qu'on accroît la division du travail. Ce que ça veut dire, la division du travail, c'est que là, avant, on avait besoin d'un maître qui connaissait tous les fonctionnements compliqués de chaque pièce de chaussure. Maintenant, on n'a plus besoin de lui parce qu'on a quelqu'un qui fabrique juste des talons de bottes à longueur de journée. Alors, division du travail, on spécialise le travail, on a besoin d'ouvriers et d'ouvrières non qualifiés. Dans ce salaire baisse notamment. Et à Québec, il va y avoir un mouvement entre 1842 et 1872, le nombre de tanneries dans ces rocs va doubler. Il va y avoir vraiment de la tannerie, c'est avec ça qu'on fait des chaussures. Il va y avoir vraiment un mouvement, une explosion à Saint-Roch dans le domaine de la chaussure. Le Québec va passer d'une mono-industrie, le chantier navale, vers une autre mono-industrie, les chaussures. Je vais en parler un peu plus loin. Et à Québec, ben, ça va se. le mouvement, si vous voulez, de la révolution industrielle va être accéléré par deux phénomènes parallèles. C'est l'exode rural, donc les paysans pauvres qui quittent les campagnes, qui ne reviennent en ville. Et deuxièmement, la main-d'œuvre est abondante et à bon marché, c'est-à-dire que vu qu'il y a un problème avec le chantier naval, la mono-industrie habituelle, il y a beaucoup de chômeurs dans les rues, alors c'est facile de trouver des gens qui travaillent pour cher. Et ce qui me conduit à parler de la grève de 1840. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de la fameuse grève de 1840? C'est un mouvement important, puis c'est important d'en parler parce que ça représente un peu un changement important dans la ville de Québec, un tournant important, un moment charnière dans la ville de Québec. 1840. Ça se passe dans le domaine justement des navires, dans la construction des chantiers navals. Alors, à l'époque, en 1840, le travail de 2860 ouvriers des chantiers navals fait vivre 20% de la population. C'est une industrie qui domine à Québec. Si, je pense que j'ai fait un ménage là-dessus, je ne sais pas si je peux changer. En France, c'est une. Ça, c'est les cordonniers. Imaginez, c'est l'escalier casse-cou. Aujourd'hui, on voit le Champlain, on imagine, c'est un quartier touristique. On pense que ça a toujours été comme ça. Mais ça, c'est tous des ouvriers, des cordonniers du 19e siècle. Je ne sais pas quelle année, mais ça présente un peu ce que c'était le chantier naval à Québec. Il y a peut-être une autre image aussi qui est intéressante. Peut-être un autre. Ça, c'est le bassin Louise. Vous voyez, on a des bateaux en bois, c'est assez hallucinant. Aujourd'hui, on mange des poissons à se lancer. Ouais. Ça, c'est le Cap Blanc. Vous voyez, c'est incroyable la quantité de bateaux en bois à l'époque. Les chantiers de bois, c'était. Vous voyez, c'est vraiment majeur. C'est une industrie. Imaginez que le Québec est couvert de chantiers navals et de cours en bois. Du pont de Québec jusqu'à Beauport, incluant la rivière Saint-Charles. Donc, c'est vraiment là, complètement une ville-port. Et Québec, c'était à l'époque un port dominant, un port en bois qui se comparait avantageusement à Boston. Par exemple, des ports importants au niveau international. Et donc, qu'est-ce qui va déclencher la grève de 1840? Ben, c'est une baisse des salaires. À l'époque, on pouvait faire ça, des baisses de salaires. Donc, les patrons décident de passer de 4 à 3 shillings par jour. Et aussitôt, il y a 1200 ouvriers, anglophones et francophones. Il ne faut pas oublier, c'était une ville cosmopolite à l'époque de Québec. Juste le Faubourg Saint-Jean, il y avait 40% de population anglophone. Alors, il y avait des ouvriers anglophones et francophones. Ils vont cesser le travail. Ils vont dénoncer ce qu'ils appellent le pacte de la famine. Ça va être le thème, si vous voulez, de la grève, le pacte de la famine. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent John Moon? Toi, tu connais David? Levez la main ceux qui connaissent John Moon. Qui ont déjà entendu parler de ce nom-là? Il y a un parc. Tout le moins. Il y a un parc! Et voilà! Il y a un parc qui s'appelle le parc John Moon, qui est à côté de la Barberie. En l'honneur de ce sympathique patron. Sympathique patron. Il y a aussi un édifice fédéral, près du port de Québec, qui s'appelle l'édifice John Moon. Donc, écoutez, John Moon est couvert de gloire et d'honneur. Mais imaginez-vous que c'est un sale capitaliste, c'est un propriétaire de chantier écossais. C'est un gars qui fait travailler des gens pour faire des fabriquer des bateaux. Et donc, pendant la grève, lui, il va être nommé par la bourgeoisie chef de la police. Alors, imaginez-vous, lui-même, il est propriétaire de chantier, il devient chef de la police. Et les bourgeois et les. Les ouvriers et les ouvrières vont engager chacun leur journaliste pour être leur porte-parole. Ça, c'est assez amusant parce que ça fait écho avec ce qu'on voit de nos jours. Les gens se demandent toujours c'est quoi la perception publique de notre cause. Bon, il y a 1840, en tout cas, on s'en souciait, visiblement. Et le journaliste des bourgeois qui va revenir dans qui est en train de faire des papiers. En tout cas, c'est un personnage qui va revenir. Leur journaliste va aller rencontrer les ouvriers et les ouvrières. Et sur un ton un peu paternaliste, il était peut-être un peu naïf de faire ça, il va aller expliquer aux ouvriers et ouvrières que s'ils crèvent de faim, c'est à cause de la loi de l'offre et de la demande qu'ils n'ont pas compris. Alors, c'est ça qu'il va faire. Et là, je cite la réponse, parce que la réponse des ouvriers et des ouvrières est écrite dans un journal, alors ça nous a rendu jusqu'ici en 2016. Le journaliste cite Adam Smith, offre et la demande. Les ouvriers répliquent. Nous ne sommes point des serfs, c'est des esclaves, mais des hommes conçus pour jouir de l'air et ne travailler que pour de justes rétributions de salaire et de liberté. Ça, c'est beau. Et la grève de 1840 va durer 18 jours, les ouvriers ont fini par gagner. Et ça va être un peu ça va mettre la table. En fait, les ouvriers et ouvrières, à une époque où les unions étaient interdites, ils vont quand même réaliser leur force. leur impact. Ils vont mettre à table pour la fondation d'un espèce de syndicat d'avant-garde qui s'appelle la Société amicale et bienveillante des charpentiers de vaisseaux de Québec. La Société amicale, ça a l'air curieux comme nom, mais trompez-vous, c'est vraiment, ça va devenir vraiment un syndicat. Et ces assemblées sont souveraines, décision prise à la majorité des voix, on peut révoquer les officiers à leur guise. Mais la crise économique pointe, 1857, la construction des navires baisse, ça devient une industrie un peu moribonde par la suite. Et justement, ça va être l'ère de la chaussure. Et le marché change, ça va être maintenant on va construire des bateaux en fer. Vous voyez, c'est des bateaux en bois. Et là, en plus, on a creusé le Saint-Laurent. Donc là, les navires ont pu les construire à Montréal, on n'a plus besoin de Québec. Et c'est là que l'étoile de Québec va parler par rapport à Montréal. Tu sais, il y a des fois des savants analystes qui viennent parler du complexe d'infériorité de Québec. Ben, ça date de là! c'est vrai, 1857, 1840, donc, vous voyez, il y a comme un changement dans la ville. Une ville cosmopolite internationale comme Québec devient tout à coup une ville catholique blanche moribonde. Il y a vraiment comme un changement comme ça. C'est une ville qui était grandement anglophone, cosmopolite, puis il y avait vraiment le devenir catholique et blanche. Donc c'est là le moment charnière, la grève de 1840. Et Québec va se convertir à l'industrie de la chaussure. Le syndicat de la Société bienveillante des journalistes de navire, ça va être un syndicat qui va exister jusqu'au 20e siècle. Ça va être très important. Ils vont avoir des avantages par rapport aux ouvriers ouvrières de Montréal. Et ça va disparaître au 20e siècle. Voilà pour la grève de 1840. On est rendu à la troisième partie. 1850, 1900, exode urbain, montée de la classe ouvrière et début du capitalisme industriel. Alors là, on rentre vraiment de plein fouet dans la révolution industrielle. Alors, Québec, déclin des chantiers navals, arrivée des machines. Donc, l'industrie navale perd son hégémonie de 1857, tout ça. Les conflits de travail commencent à se multiplier. Par exemple, en 1867, il y a 2300 charpentiers de navires qui vont mettre en haleine les militaires pendant 3 mois. En 1869, ça va être 300 ouvriers à Montmorency qui vont déclencher un accord d'un mois. Il va y avoir un mouvement de colère et les patrons vont faire un accord. Je ne sais pas si j'ai une image qui est compacte. Bon, ça, c'est Saint-Roch. Ah, 1928. Parfois, j'ai l'année ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu, là. Ici, c'est le parking d'Orchester. Ça va aller dessus. Là. Donc, vous voyez, c'est un quartier qui est très industriel. L'arrivée des machines, ça serait, il y a des historiens qui disent que ça serait en fait un capitaliste francophone qui s'appelle Guillaume Bresse, qui avait étudié aux États-Unis pendant la guerre civile, je ne sais pas pourquoi, il étudiait au Massachusetts, il a étudié le fonctionnement des machines à vapeur dans les manufactures. Et lui, il arrive à Québec. Il va ouvrir une manufacture dans un milieu qui est dominé par des marchands anglophones. Il y avait un atout, c'était les machines à vapeur, Guillaume Bresse. Et en gros, moi, ce que vous voyez, c'était un meilleur patron que les anglophones. En fait, il y a une chose qui distinguait, c'est qu'il avait bâti sa maison juste à côté de l'usine. Je ne sais pas si j'ai un télèbre. Ah, ça c'est l'implantation de la chaîne de l'industrialisation. Vous voyez, en 1880, deux paires par jour, deux paires de chaussures par jour, puis en 1880, 300 paires par jour. Sauf qu'ils disent pas, c'est que c'est égoïque, juste des talons de bâtiment à faire en garde du jour. Je sais pas si j'ai un autre image. Après, c'est un bâtiment qui existe encore aujourd'hui, là, c'est un rock, une manufacture de chaussures. Je sais pas si j'ai un autre image après. Ça en a un autre. Je vous donne une idée. Donc, la cavalerie mécanique, ça commence à Québec en 1871. Et là, le travail va s'accélérer. Dans la première usine de Guillaume Bresse, il va y avoir 20 ouvriers. Mais 9 ans plus tard, il va en avoir 200. Ils vont fabriquer 1000 paires de chaussures par jour. Puis là, évidemment, tout le monde se met à installer des machines dans leur manufacture. Et en 1873, il y a 2000 ouvriers qui travaillent dans 7 entreprises qui produisent 1 530 000 paires de chaussures par année. Et en tout, Québec compte 7300 ouvriers ouvrières et presque tous travaillent à Saint-Roch. L'autre quartier du travail, c'est Saint-Jean-Baptiste. Et Et là, je parle, maintenant, je pense que c'est le moment de parler du prolétariat, qui est un terme important. Alors, 1860, apparition des fabriques et division des tâches. C'est l'arrivée du prolétariat, ce qu'on appelle le prolétariat. Qu'est-ce que c'est le prolétariat? Ben, si on veut résumer rapidement, le prolétaire, c'est un travailleur aliéné et pauvre. Donc, les cordonniers vont se mettre à perdre le contrôle de leurs produits. Le maître, je l'ai expliqué tantôt, c'est lui qui décidait c'était qui le fournisseur, combien il vendait son soulier, quelle chose, les couleurs, fabriquer sa chaussure, etc. Et là, évidemment, l'ouvrier, l'ouvrière ne contrôle pas ça. L'accès au marché, donc la vente des chaussures, est retiré au prolétaire. Ça devient contrôlé par une minorité de cordonniers fabricants. Les compagnons, dans la structure traditionnelle, ne peuvent plus avoir accès à une boutique, faute de capitaux, ils n'ont plus d'argent. Et évidemment, ils deviennent aliénés parce qu'ils perdent le contrôle sur leurs produits. Ils deviennent payés à la pièce, donc ils ne vendent plus un produit, une chaussure. Ils vendent leur force de travail, ce qu'on dit, on peut dire leur soir. Et on n'a plus besoin d'ouvriers, d'ouvrières qualifiés. On a juste besoin de n'importe qui peut faire un talon de bottine en chaîne. C'est plus besoin d'avoir de grands talents pour faire des chaussures. C'est une époque où les unions ouvrières sont illégales et inexistantes. Et donc, le prolétaire, comme j'ai dit tantôt, c'est un travailleur pauvre. Et à l'époque, ce n'était pas inhabituel pour un capitaliste de faire baisser les salaires. Alors, les conditions de travail sont très, très dures. On peut dire au moins les mêmes du Parlement. Oui, OK, les mêmes du Parlement. 1878. C'est, j'ai distribué tantôt à quelques personnes des. On peut voir l'image de l'Assemblée nationale, s'il te plaît? Oui. Bon, elle s'en dépasse. Donc, ça, c'est un événement assez curieux. C'est pas une anecdote, c'est quand même un événement d'importance qui s'est passé à Québec. Les émeutes des ouvriers de la construction en 1878. Saviez-vous? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette grève-là, ce conflit de travail-là, 1878? Personne, de la main, ceux qui savent? Non, pas du tout. Ah, il y a quelques-uns. Là, il faut que vous vous rappeliez de celle-là parce que c'est important. C'est lors de la construction de l'Assemblée nationale, imaginez-vous donc que ça commence. Alors, j'ai retenu votre attention. J'ai capté votre attention. Alors, les ouvriers et ouvrières travaillent dans la joie et le bonheur sur l'Assemblée nationale. Quand tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Les patrons décident de baisser les salaires. Bon, ça se faisait du coup à l'époque. Alors, le 3 juin 1878, les ouvriers et ouvrières réclament 1$ par jour. Et ils vont se mettre en grève. Les travailleurs et travailleuses du milieu des tramways vont les accompagner. Donc, il va y avoir un gros mouvement tout d'un coup qui va se déclencher dans la ville de Québec. Et il y a des milliers de personnes qui vont se mettre en grève. Il va y avoir des troubles partout en ville. Et ils vont réclamer une rencontre avec le premier ministre. Ils vont obtenir. À l'époque, quand on faisait grève, on pouvait parler au premier ministre. Et la rencontre va être décevante. Les ouvriers vont mettre le trouble partout en ville, ils vont enfoncer des portes d'usine, ils vont envahir des ateliers de chemin de fer, ils vont commettre des dégâts. Le marché de la place Jean-Cartier est pillé. Je vous ai distribué tantôt un papier, là, place Jean-Cartier, c'est tout là que ça se passe. T'sais, parce que la place Jean-Cartier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des grandes bouleversements en ce moment et on réaménage la place. Alors je pense qu'il faut que ça soit important de profiter du moment pour rappeler l'importance de la place. Donc, le marché de la place Jean-Cartier est pillé. Le 8 juin, il va y avoir 7000 assemblées au hall Jean-Cartier pour décider de la marche à suivre, donc une grande assemblée générale. Le 12 juin, il va y avoir un autre grand meeting au même endroit. Et les grévistes vont se dire, OK, ils vont peut-être céder à la menace et l'intimidation et à la violence. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se promener d'usine en usine et ils vont rentrer par la force, ils vont pogner par le collet des patrons, ils vont dire, signe-moi le contrat. Qui réclame 1$ de salaire par jour, ou sinon on te pète la gueule. Alors, c'est ça qui va se produire. Et le premier ministre, avec tous les troubles, il va finir par leur dire, OK, je vais vous donner 20 cents de salaire, ce qui, visiblement, ne va pas décourager les ouvriers et ouvrières qui vont répliquer ceci au premier ministre. Je cite, c'est le peuple qui est maître. Nous sommes les maîtres à Québec. Avant d'accepter tel prix, nous prendrons les armes. Ce qui était un peu, comment je peux dire, un peu enthousiaste, parce qu'en réalité, ils sont en train de mourir de faim. Et tout de suite après ça, ils vont aller piller une épicerie de la rue Saint-Paul, dans le quartier Champlain. Ils vont voler plein de barils de farine. Et évidemment, vu qu'on atteint la propriété privée, l'armée va intervenir sur le champ. Puis il va y avoir l'acte d'émeute. Je pense que j'avais l'acte d'émeute. Ça, c'est exactement l'acte d'émeute qui va être lu en 1878. Devant les. Vous voyez, c'est écrit en anglais par français. Évidemment, on va le lire en anglais. Attendu que les ouvriers ont été empêchés par des bandes d'émeutiers de continuer leur ouvrage et de percevoir leur subsistance avec eux-mêmes et leur famille. Donc, évidemment, pour protéger les ouvriers et ouvrières, l'armée intervient. Puis, ils vont tirer dans la foule. Il va y avoir deux morts. Et l'un des morts, c'est intéressant, c'est un gars qui. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est qui? Édouard Baudoir. Édouard Baudoir. C'est qui? Il faut vous rappeler de ce nom-là, c'est important. Édouard Baudoir. Il va avoir une balle dans la tête. Ce serait un ouvrier d'origine française, c'est un gars qui travaillait dans les chantiers navals de chaque côté. Les rapports militaires le décrivent comme un socialiste ayant participé à la Commune de Paris. Ce n'est pas rien. Il va être tué au coin des rues Saint-Paul et d'Ambourges. Et en 2001, il y a le collectif anarchiste La Nuit qui va renommer la rue Saint-Paul en son honneur. C'est une petite anecdote dans l'histoire. Et ce qui est drôle, qui fait encore écho à plein d'affaires que vous êtes sûrement au courant, c'est que le journal Le Mercury va dire ce gars-là, en fait, s'il y a une pierre qui a reçu sur la tête, et c'est ses camarades qui l'ont tué. Je ne sais pas si ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé en 2012. Il y a effectivement un gars qui a perdu son œil et la police disait ah, c'est sûrement une pierre qui a de leur camarade qui l'a jeté. Alors à l'époque, on dit ça, mais il va y avoir un rapport du coroner qui va contredire ces faits-là. Et finalement, les émeutes vont arrêter parce qu'il va y avoir des renforts qui vont venir de Montréal par train. Donc, bilan de la grève de 1878. Deux morts, 12 blessés, plusieurs arrêtés. Il n'y aura pas de commune de Québec. On va être d'accord sur la question de. Tu penses? Non, pas tout sur les questions ouvrières et syndicales, hein, un objectif qu'on veut faire, une histoire populaire, une histoire des luttes contre l'oppression, c'est de voir comment les sujets deviennent des acteurs, hein, et s'organisent et prennent parole dans la place publique pour faire des revendications. Concernant la classe ouvrière qui est en formation, toujours minoritaire quand même au Québec, son organisation est fluctuante et difficile à coordonner tout au long du 19e siècle, jusque dans les années 1880. On devrait compter, hein, c'est des anecdotes, sauf pour dans le port de Québec, où on parle des grèves, des journaliers qui construisent de navires, où là, il faut dire quand même que c'est 20% de la population là, au cœur du 19e siècle qui travaille. Là, sur les chantiers maritimes ou dans le port de Québec, c'est quand même gigantesque. Et là, on a une question de durabilité dans le temps. Sinon, le syndicalisme ouvrier apparaît, disparaît successivement. Il y a très peu de syndicats au long du 19e siècle qui vont durer plus qu'un an, deux ans, trois ans. Des syndicats qui sont souvent organisés en fonction du métier. Hein? Un peu comme ça se fait encore dans beaucoup de fédérations de la FTQ, le métier des charpentiers-menuisiers. Le métier des télégraphes, bien important dans l'aristocratie ouvrière, les télégraphes ou ceux qui vont les typographes. Ça, c'est vraiment là, génial, eux, ça va venir en plus. Ils vont avoir un rôle particulièrement important dans l'organisation des syndicats. À partir des années 1880, on arrive à un changement. Non seulement on est au cœur du capitalisme industriel qui commence à vraiment dominer la société canadienne, mais on est dans une nouvelle ère, peut-être de, tu sais, de prospérité économique quand le salaire n'a jamais augmenté en 50 ans, mais du moins d'arrêt de crise économique. Avec l'apparition d'un gouvernement conservateur, pas l'apparition, là, mais avec un gouvernement conservateur qui décide de changer de politique, de passer d'une politique de libre-échange qui était dominante dans les années 1940, 50, 60, si je me souviens bien, libre-échange, on avait ça la réciprocité avec les États-Unis, vers une politique nationale conservatrice, qu'on appelait la politique nationale protectionniste. La politique nationale, hein? Grosso modo, il s'agit de favoriser un capitalisme indigène et la consommation locale. Les ouvriers, eux, plutôt particuliers, vont être en faveur des politiques conservatrices à Ottawa ils vont appuyer pendant, disons, de nombreuses années les conservateurs jusqu'à temps que les libéraux arrivent avec leur vie. Et là, hein, la question c'est, bon, c'est peut-être un peu emmerdant, mais qu'est-ce qu'on devrait retenir dans une culture politique militante? Bien, une des premières formes de coordination et d'organisation de la classe ouvrière qui va permettre aussi la question d'une classe ouvrière qui se reconnaît en soi, avec une conscience sociale. Et là, il y a une organisation qui a été un peu dédaignée dans l'historiographie québécoise qui s'appelle les Chevaliers du Travail. Je ne sais pas si vous connaissez. Souvent, ça paraît de manière un peu anecdotique en disant « Ah, tu sais, c'est la même histoire de l'organisation syndicale. » Mais les Chevaliers du Travail, c'est quand même vraiment impressionnant. Je suis un peu geek, ça me passionne, je lis ces trucs-là. C'est vraiment une organisation qui est maîtresse dans le renouveau du mouvement syndical américain. Entre autres, en disant, à partir des Chevaliers du Travail, on peut dire que le travail en Amérique du Nord est organisé. Chevaliers du Travail, drôle de nom, hein? Ben, ça fait un peu maçonnique. Hein? De fait, les gens à l'époque faisaient ça dans la confidentialité de peur de l'antisyndicaliste, de leur patron, hein? Qui pouvait les mettre à la porte. À l'époque, il y avait tous les rituels secrets, quasi-maçonniques, ce genre de choses-là, c'est devenu une organisation publique par après. Les Chevaliers du Travail apparaissent dans les années 1970 aux États-Unis et vont atterrir en Ontario et à Montréal vers 1880-1882. Au summum de l'organisation, en 1886, on parle quand même de 700 000 personnes qui sont membres des Chevaliers du Travail. C'est un chiffre qui est gigantesque, qui s'accompagne aussi de grandes grèves, entre autres dans le milieu des chemins de fer. C'est intéressant l'histoire des Chevaliers du Travail, même si ça a un peu disparu dans l'histoire du Québec, pour différentes raisons, entre autres que ça va rester vraiment une organisation qui va perdurer plus longtemps au Québec qu'aux États-Unis, et aussi qui a un objectif de transformation sociale qui est global. Oui, c'est une organisation réformiste, elle n'a pas de tradition socialiste révolutionnaire au Québec, pas qui remonte aussi loin que ça. C'est une organisation qui est réformiste. Hein? On va faire du lobbying, on va élire des représentants, on va élire des candidats ouvriers. On va élire un député ouvrier qui s'appelle Lépine, qui a été au pouvoir pendant longtemps. Il va appuyer le Parti conservateur, mais bon, quand même, premier candidat ouvrier au fédéral qui va être élu en, je pense que c'est 1888, si je me souviens bien. On va valoriser les coopératives, on va valoriser l'éducation, la formation de journaux, ce genre de choses-là. Et ils vont fonder quand même à peu près 109 assemblées locales. Les Chevaliers du Travail ont cette faculté très intéressante d'être très décentralisée, d'accorder beaucoup d'autonomie à leurs membres et surtout de s'adapter pour les situations. Ils ont comme caractéristique par rapport au syndicalisme traditionnel de non pas seulement s'organiser sur un syndicalisme de métier, typographe, charpentier, menuisier, cordonnier, mais sur, par exemple, des assemblées mixtes où on va accueillir des bourgeois, peut-être, des médecins, pas des notaires, ça c'est interdit, ni d'avocats, ni des taverniers qui vendent de l'alcool. Mais on va accueillir des gens qui viennent d'autres professions tant qu'il s'agit de défendre la classe ouvrière. Et ce qu'on veut comme projet de société, dans les Chevaliers du Travail, c'est défendre une société basée sur la coopération et la production des travailleurs et travailleuses. Ils intègrent dans leur rang des gens de toute origine sociale, toute origine ethnique, sauf les Amérindiens et les Asiatiques. Le racisme contre les Asiatiques étant très fort en Amérique du Nord, c'est fort triste. On accueille aussi les femmes, on ne fait pas de discrimination par rapport aux femmes, du moins dans le même chiffre, on sait que lorsqu'il s'agit de monter plus haut, c'est différent. On va former une assemblée locale féminine à Québec, par exemple. Je ne sais pas c'est en quelle année, là, au tournant du 20e siècle, sûrement qu'on appelait l'assemblée de Verchères. Ce sont des travailleuses dans le domaine du cuir. C'est quand même intéressant parce que hein, la politique ouvrière par rapport aux femmes, elle est, disons, mitigée. Hein. On est en faveur de l'organisation des travailleuses, on est en faveur de l'égalité salariale, y compris chez les Chevaliers du Travail, mais c'est parce qu'on ne veut pas un cheap labor concurrent. C'est pas nécessairement une posture qui est féministe. Mais il y a quand même un rapport par rapport à l'égalité. Lorsqu'on parle des travailleurs et des travailleurs, elles sont un peu gênées là, dans les commissions d'enquête, on les voit répondre à des questions. Puis là, oui, ils travaillent avec nous, on va pas les diminuer, mais tu sais, ils sont pas nécessairement contents qu'ils travaillent avec nous. En tout cas, c'est le genre de réponse que les travailleurs répondent lorsque les commissions d'enquête ont été menées par rapport aux travailleuses et aux travailleurs. Donc, on parle quand même d'une organisation qui va commencer réellement à coordonner à l'échelle nationale. À peu près 100 ans, l'Assemblée locale a été fondée. Ils vont fonder le premier Conseil montréalais du travail des métiers. Le Conseil du travail la première coordination montréalaise qui va vraiment implanter à l'échelon municipal le travail à Montréal. C'est vraiment les travailleurs, travailleuses, souvent. C'est pas par rapport, en revendiquant par rapport à Ottawa ou par rapport à Québec, mais tout simplement en améliorant leurs conditions de travail locales, aussi en établissant des liens de solidarité au niveau municipal. C'est comme une vraie réforme que les gens ont réussi, c'est abolir la corruption. Tu sais, là, on parle de Québec, des résidus d'ancien régime seigneurial, c'est genre qu'en ville, il y avait des corrupts. Puis évidemment, tu pouvais l'échapper, c'était un bourgeois, mais sinon, ben, tu n'échappais pas. Il fallait que tu fasses la grève. Donc, eux, ils ont fait un mouvement de réforme qui était appuyé par un journal. Quel journal appuyait les ouvriers ouvrières dans les années 1880 qui existe encore, selon vous? Il n'y a pas les bonnes, non plus. C'est un choix de réponse. La Presse. La Presse, qui avait une politique ouvrière forte. Avec un mouvement spectaculaire, très connu à travers le monde, qui va être la fondation de la répression, donc de E-Market Square à Chicago en 1886. Après l'émeute de Chicago, on a dû faire des membres qui ont été à la fois des membres des chevaliers du travail, excommunie les chevaliers du travail, ben c'est le bout du bout. Et on ne peut pas refuser que les travailleurs s'organisent, surtout si 50% de leurs membres sont catholiques, entre autres des catholiques irlandais. C'est une très mauvaise décision stratégique. Et de fait, Tachereau est obligé de se réviser, d'accepter les chevaliers du travail plutôt froidement. Et par ailleurs, peu de temps après, avec une célèbre antiquité catholique qu'on appelle le Héron ou Baron, il était obligé d'accepter aussi le fait que les ouvriers, avaient le droit de s'organiser en syndicat. Le juif du travail avait bon des assemblées, des syndicats. On réussit à traverser l'épreuve du capitalisme, l'épreuve catholique. Ils se sont trouvés un adversaire autrement plus fort avec les syndicats métiers, avec l'ancêtre de la FPI, qui a réussi à couler les chevilles du travail dans un célèbre congrès d'une ville qu'on appelait à l'époque Berlin, 1900 ans après la Première Guerre mondiale, je pense que c'est Princeton ou Newton. Et les joueurs du travail avaient un défaut quand même, c'est peut-être un peu moins con à la langue, les parents travailleurs, il y avait des stratégies moins fortes que les syndicats de métiers, qui par le monopole d'un métier pouvaient obtenir plus facilement des augmentations salariales et la reconnaissance d'un contrat de travail par la négociation collective ou par les moyens de pression comme vous l'avez fait. Et dans le cadre de la FPI, qu'on appelle lors de son congrès d'un congrès en 1920, un effet de travail de l'Organisation nationale là, des travailleurs au niveau canadien. Et c'est ça qui a coulé finalement les chefs du travail, qui avaient alors seulement beaucoup de monde, 8000 personnes. Je veux dire, on appelle ça un petit mouvement social à notre époque. Mais probablement 8000 personnes qui regroupaient des fois le fer de lance de l'industrie, dans la cordonnerie, dans la construction navale, chez certains métallos aussi. Et souvent aussi, 8000, dans ces 8000 membres-là, ben, c'était souvent les membres les plus actifs. Parce que bon, c'est rare qu'on était capable de syndiquer l'ensemble d'une shop. Ceux qui vont être syndiqués finalement, ben, ça va être les plus actifs, qui encouragent les gens à participer à des actions collectives. Et il va y avoir un autre mystère de Québec, que les chevilles du travail, ils vont faire la map assez rapidement à Montréal. Quelques organisations qui ne sont pas membres de chevilles du travail, mais en fait, qui ne sont pas membres de l'État non plus. Ils vont rester 3-5 à Québec, tout seul, jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour une raison obscure. J'en ai aucune idée, c'est quoi la raison. Et, probablement parce que... tout simplement pas s'affilier à la FL, qui était considérée comme une organisation américaine, donc une organisation anglophone. Mais bon, ça aurait été une particularité, justement, le fait que les chevilles du travail sont restés actifs plus longtemps au Québec et à Québec qu'aux États-Unis. Pour un métier, une raison par contre quand même assez intéressante, ça c'est important. Et c'est quelque chose qui aurait été trop difficile dans le contexte syndicaliste. Donc, parlant de culture militante, il faut retenir le terme chevilles du travail. Et puis, ceux qui font l'histoire socialiste au Québec sont généralement obsédés par deux autres organisations très importantes. Je ne parle pas du Parti québécois et du Parti québécois, mais la CSN, la spéculier, la FTQ. On va prendre une courte pause. On va parler rapidement de la naissance de la FTQ, d'où ça vient, démystifier un peu la naissance de la FTQ. On va parler du féminisme aussi, en tant qu'un personnage comme Idella Saint-Jean, qui est fait sur l'événement Facebook, et sinon, et aussi de la CSN, quand même très important, qui est née à l'intérieur du syndicalisme catholique. D'accord. Bon, si vous désirez participer tantôt, on va revenir vers 8h30. Marathon. Merci. Bon retour. Ouais, il y a un bon contribution volontaire. Je sais pas ce qu'il est rendu. Mais. Allez, ben cool. Descendez ça. Puis peut-être transférer à l'entrée au pire quand vous sortirez. Et la prochaine conférence des pensées sauvages. Ça, ça va être intéressant. La dernière était sur les masculinistes qui ont mis ça blé. La prochaine, j'aimerais la vie de nous-mêmes, la lutte contre la bourgeoisie. Bon. Mais y a-t-il un site web où on peut consulter tout ça? Il y a un site web, il y a une page Facebook, mais qui est animée par le collectif Subversité. Je n'ai pas pensé sauvage, donc au collectif Subversité. Notre preuve de français ici va t'intéresser, qui est marquée la lutte contre l'embourgeoisement au Saguenay, qu'on voit la lutte contre l'agentification, qui serait terme. Puis, c'est le débat, Luigi. 1er mars, il va y avoir aussi un atelier sur les médias, dans une perspective critique. Bon, je pense un peu de Chomsky, c'est pour moi qui est présente là, les plus larges. Critique des médias, mais aussi d'utilisation des médias, comment, comme militants militantes, on peut travailler envers et contre les médias. Mais pas seulement les subir. C'est ça, le concept, c'est de voir les médias comme un outil, essentiellement, mais en même temps de rester conscient du fait que les médias, c'est pas seulement un outil qui est entre nos mains, c'est aussi un outil qui est entre les mains des gens contre qui nous luttons, bien souvent. Donc, il faut voir comment on peut se servir des médias de façon active et comment aussi on peut profiter des médias en gardant un regard critique sur leur fonctionnement et puis porter un regard critique sur le travail des journalistes, le travail des médias, les relations qui existent. Merci. Je vous invite vraiment à la prochaine que lui à la librairie Saint-Jean-Baptiste qui est donnée par le collectif Emma Goldman. Si vous croyez, si vous militez, à Québec, si vous voyez que c'est difficile à Québec, imaginez au Saguenay. Mais c'est vraiment impressionnant le travail qu'ils sont capables de faire. C'est vraiment intéressant. Vous reviendrez la semaine prochaine. Merci à FSP, c'est vraiment gentil. On a parlé des chevaliers du travail. On va continuer à faire du pouce sur la question ouvrière, l'organisation du prolétariat. En parlant de la FTQ. Excuse-moi, tu as dit revenir la semaine prochaine, c'est dans deux semaines, évidemment. Puis vous avez évidemment. Je peux revenir la semaine prochaine, mais je ne sais pas ce qui se passe ici. La FTQ. Dans l'annonce. Il y a une permanence de revenez alors. Parce que j'ai dit vendredi soir. Un de nos objectifs, c'est comme de nuancer aussi les perceptions qu'on peut avoir par rapport à certains mouvements, certaines organisations. C'est ce qu'on a fait avec les Chevaliers du Travail, c'est ce qu'on a fait aussi avec les Patriotes. C'est ce qu'on va faire avec la FPQ. Organisation qui a une réputation sulfureuse pour plein de raisons, bonnes et mauvaises. Sulfureuse, évidemment, hein, ceux qui militent pour la CSN nous donnent encore une réputation encore plus sulfureuse. Et c'est important d'en parler parce que j'ai découvert en travaillant avec des étudiantes autour du mouvement Printemps 2015 que les gens ont globalement, les jeunes ont peu de connaissances sur le syndicalisme. Donc autant le syndicalisme est romancé, l'histoire du syndicalisme est admirée, tu sais, il va y avoir des militants du Québec solidaire, des anarchistes qui font partie de la CSN, qui font partie de la CSN, ce genre de choses-là. Mépriser là, la FTQ, c'est-à-dire la CSN par exemple, c'est l'orientation de Michel Chartrand, oh wow, c'est révolutionnaire, donc la FTQ c'est de la merde, ce genre de choses. Évidemment, il faut nuancer ça. On a parlé tantôt que la FTQ, vraiment, pour la création de l'histoire de la FTQ, c'est une genre de poupée russe inversée. La FTQ en soi n'est pas importante comme organisation. C'est né en 1958. Si je me souviens bien, vraiment récemment, c'est né avec la Révolution tranquille. Mais il y avait des organisations préexistantes, là, puis on peut remonter la généalogie de la FTQ plus loin. Le Fonds des travailleurs, la Fédération des travailleurs du Québec, c'est bien ça, hein? Tout le monde est connu, ouais, je ne comprends pas, c'est cool. C'est une période inversée. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la FTQ, qu'est-ce que le syndicalisme national? Ce sont des travailleurs organisés par métier, dont la maison mère, se trouve aux États-Unis. Tout simplement. Si vous êtes syndiqué, vous passez la note au Cégep Garnier, vous faites partie d'une union d'entretien, probablement, hein, dans le domaine du service, qui est membre d'une fédération internationale, dont le siège social est peut-être à Chicago ou à Détroit. Ils ont une façon de faire qui est assez précise. Ils vont faire des grèves. Eux, ils n'ont aucun problème à faire des grèves. Hein? Contrairement là, au syndicalisme catholique. Là, d'autres faire des grèves, il n'y a pas de problème. C'est des gens qui ne font pas forcément de discrimination par rapport aux Noirs, par rapport aux femmes non plus. C'est des gens qui. Une organisation qui est peut-être un peu plus réformiste, qui est plus orientée vers l'acquisition de gains concrets et non pas vers des discours idéologiques de transformation de la société. C'est une organisation qui est soucieuse de ses membres aussi, qui développe quand même à sa façon une organisation de. représentant d'une conscience sociale ouvrière, mais d'emblée quand même, de sa propre corporation, les électriciens, ou pour voir les logos, à quel point ils ont une fierté, il y a une fierté quand ils sont dans un service national, de voir le logo des machinistes, du syndicat de Bombardier. C'est fort, là, tu sais, on peut rire du syndicat de Bombardier qui est membre de la FTQ, là, mais ils font des assemblées de 2000 personnes pour deux mois, genre. C'est plus gros que ce que nous maintenant que la majorité du temps, là, 2000 personnes à discuter hein, de ces conditions de travail, puis de ce genre de choses-là. Et ils se sont regroupés ensemble de façon assez conservatrice et réactionnaire par un personnage super important qui est Cigari, le gars qui roule des cigares, qui s'appelle Samuel Gunther, un bonhomme un peu conservateur, et lui, mêlez-vous pas de politique ou appuyez vos ennemis, détestez vos ennemis, mais investissez-vous pas dans un mouvement socialiste. L'important, c'est de s'organiser dans une organisation internationale, on dit internationale parce que c'est Canada et États-Unis. Qui s'appelle American Federation of Labor, hein? AFL, c'est le nom de la campagne, qui va faire une guerre là, incroyable, une guerre là, de procédure, hein? On s'imagine bien dans un congrès de la CIF probablement, contre les chevaliers du travail. Donc, la AFL va progressivement, des années 1880 à 1900, étendre sa toile, syndiquer plein de gens, faire des campagnes de syndicalisation, lutter contre les chevaliers du travail dans le domaine de la cordonnerie, par exemple. Là. C'est un métier, c'est une grosse lutte, ça. Et obtenir victoire au chevalier, lors du congrès de Berlin, comme j'ai dit, en Ontario, en Allemagne, en Ontario, qui dit que pour être membre du congrès canadien des travailleurs, faut pas être membre des chevaliers du travail. Et ils vont se coordonner avec un conseil de métier à Montréal, très fort. Très fort, là, je vous le dis, là, le principal outil de coordination du syndicalisme des travailleurs et travailleuses au Québec pendant plus de 50 ans, celui qui avait le plus de membres, plus que l'ancêtre de la CSN, plus que la FTQ, mais c'est le Congrès des métiers de Montréal. Ils sont 50, 60 000 membres, 200 000 membres en 1956. Il y a 250 000 membres qui sont syndiqués dans la région de Montréal, si je me souviens bien, à la FTQ, au Congrès des métiers de Montréal, pendant qu'il y a seulement 30 000 membres à la FTQ. Bon, Pérus, là, je vous ai complètement perdu. Ils sont regroupés, ils sont coordonnés au point de vue montréalais, ils sont regroupés et coordonnés au point de vue canadien, et à un moment donné, ils décident de se regrouper et se coordonner d'un point de vue provincial. Parce que, coudon, l'échelon provincial n'était pas important dans le calcul de ces syndicalistes-là lorsqu'il était temps de lutter. Ils envoyaient une délégation d'élus montréalais, principalement, aller voir Maurice Duplessis, aller voir Adélard Godbout, le premier ministre québécois. Faire des représentations, mais faire une organisation nationale, nationale, hein, Québec, non? L'autre, ça leur importait pas particulièrement. Et à un moment donné, ils ont quand même décidé de se coordonner de façon un peu plus avancée, avec une structure et un secrétariat permanent provincial. Ça va être la Fédération provinciale du travail, fondée, si je me souviens bien, en 1936, si je me souviens bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur des dérives fascisantes de Maurice Duplessis? Eux autres, la menace qu'ils ciblent, c'est Maurice Duplessis, comme étant une menace potentiellement fasciste et particulièrement anti-syndicaliste, et qu'il fallait s'organiser d'un point de vue provincial. Anecdote, les Juifs ne percevaient pas forcément Maurice Duplessis comme étant là, un fureur potentiel, mais les syndicalistes. Donc, ils vont fonder une organisation provinciale dans ces années-là qui va lutter plutôt doucement et va se trouver un autre adversaire. Qu'on va appeler, là, j'ai écrit la FL, qu'on va appeler la CIE. Pendant le New Deal, là, après la crise de 1929, les travailleurs et travailleuses vont retrouver intérêt à s'organiser au point de vue d'une shop, en incluant tous les métiers qui travaillent dans une usine, dans une shop. Ce qu'on appelle le syndicalisme industriel. C'est pratiquer les chevaliers du travail, en fait. l'organisation de la CIO va faire des grèves incroyables. Il va être en partie appuyé par la politique de Roosevelt aux États-Unis. Il va devenir une organisation concurrente de l'AFL. Et finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, ben, ils vont décider de devenir, puis maintenant, on appelle ça l'AFL-CIO, dont la FTQ. La FTQ va avoir aussi un adversaire pendant local de la CIO, du Québécois, du Mont-Méchant, c'est très important, va décider de fusionner aux alentours de la Révolution tranquille en, et là c'est ça, là, la date, je ne sais pas si vous connaissez, c'est 1958. Et c'est avec la Révolution tranquille que la FTQ va finalement devenir une organisation de plus en plus nationaliste, indépendantiste, avec des positions où on appuie des partis sociaux-démocrates. Hein, au point du Canadien, ils vont appuyer l'ancêtre de l'UPD, le NPD. Au point de vue provincial, ils vont appuyer le Parti québécois. Et ça va devenir une organisation qui est forte, qui est majeure. Mais il faut s'entendre. Le syndicalisme international et l'ancêtre de la FTQ vont toujours être au Québec le mouvement et l'organisation hégémonique dans l'organisation du travail. Beaucoup plus fort que le syndicalisme catholique, que François nous disait tantôt. La majorité des travailleurs et travailleuses ne sont pas des têtes de lunettes. Ils comprennent très bien que leurs intérêts sont probablement mieux défendus par un syndicat où il n'y a pas un curé derrière pour les surveiller. Et je parle, les ratios, là, c'est, je pense, c'est 4 pour 1 à peu près, là, qui sont dans un syndicat FTQ. Là, dans la région tranquille, là, CSN et FTQ vont devenir des organisations là, plutôt équivalentes en termes de nombre. Là. Toujours un peu plus FTQ quand même. Et la majorité des travailleurs travailleuses ont des assemblées, là, même aussi loin qu'au Saguenay, on va voir là, des harangues dans l'assemblée où un curé essaie de convaincre les gens de s'affilier à un vrai syndicat catholique. Les travailleurs travailleuses disent ben non, nous on va préférer s'organiser aux travailleurs travailleuses sans avoir la tutelle de l'Église catholique. L'organisation de la FL est considérée comme une organisation conservatrice qui, bon, à mon avis, va appuyer là, les démocrates autour de la Deuxième Guerre mondiale et du New Deal. Par contre, les militants syndicalistes, eux, ne sont pas nécessairement des conservateurs. Ils vont lutter en séparant clairement le syndicalisme du projet de changement social de la société. Donc, d'un côté, je suis un syndicaliste élu dans un secrétariat, ce genre de choses-là, et de l'autre, je vais m'impliquer dans les débuts du socialisme ou du travaillisme québécois en fondant un parti ouvrier, par exemple, le Parti ouvrier du Québec. Là, il y a eu toute une série de tentatives de partis ouvriers du Québec qui ont été fondées en 1898, si je me souviens bien, puis 1914, avec des fois quelques résultats, principalement au niveau local, vont élire des conseillers municipaux, par exemple, à Montréal, puis faire beaucoup de changements, là, pour améliorer l'hygiène de la ville, ce genre de choses-là. Ça n'a pas nécessairement eu un très grand succès d'un point de vue national, parce qu'on est dans un système parlementaire qui valorise évidemment le. Deux parties, un système bipartisan. Mais toujours là, il faut nuancer l'image qu'on a de la FTQ comme étant une organisation jaune, on pourrait dire, là, qui n'est pas très fort, mais comme probablement l'organisation adéquate dans beaucoup de situations, et surtout une organisation qui inclut les syndicalistes qui, eux, ont une pensée progressiste et qui, eux, ne font pas des discriminations sur la base de la religion et inclut aussi des militantes. Ça, c'est pour l'ensemble de la FTQ, donc j'essaie de redonner une image un petit peu avant la création de son fondateur de la FTQ. François? Donc, c'est ça, moi je vais parler syndicalisme catholique, donc l'ensemble de la CSN. Puis la raison, notamment parce qu'à Québec, c'est le château fort du syndicalisme catholique, c'est comme la particularité québécoise ou c'est la première capitale de l'île de Québec. Donc, fondateur du syndicalisme catholique. Et avant de parler de ça, j'aimerais ça parler un peu des conditions des travailleurs et travailleurs au début du 20e siècle. Ben, j'ai pris une image de l'île de Québec à cette époque-là, en Anglais. Ça, vous connaissez cette rue-là, la petite Champlain. Ça, c'est la rivière Saint-Charles, une rivière qui était à un égout assez ouvert à l'époque. C'était salut, pour ça. Je sais que c'est pas un jour. Ah, ça, c'est le début de Saint-Henri. Mais bon, je pense qu'il y avait des enfants quand même. À l'époque, il y avait des enfants qui étaient pas mal. Ça, c'était à Québec, c'est les ouvriers de la Corée. Donc, si j'ai quatre mots pour décrire le quartier Saint-Roch au début du 20e siècle, commissariat de quartier ouvrier. C'est très représentatif de plein d'autres quartiers ouvriers à travers le monde. Pensez à Liverpool, à Londres, c'était probablement à peu près pareil, Saint-Roch. Quatre mots. Pollution, choléra, incendie, insalubrité. C'est vraiment le fun de vivre dans ce temps-là. Choléra. 132, épidémie de choléra, 3500 victimes dans la banlieue de Québec. Grands incendies, il y a trois grands incendies à Québec qui ont touché majoritairement la base ville, 1845, 1867, 1870. Et conditions de salubrité importantes. Donc, choléra, ça vient de où le choléra? Est-ce que tu trouves que c'est d'où vient le choléra? L'eau. Qui t'a dit l'eau? T'as entendu l'eau? Voilà. La rivière Saint-Charles, qu'on a vu tantôt, fait qu'on peut en mettre, c'est ça, c'est une rivière qui sert d'égout assez nouvelle, parce qu'il fallait attendre la seconde moitié du 19e siècle avant d'avoir les premiers aqueducs. Alors, toute l'eau potable venait de la rivière Saint-Charles, mais c'était aussi les dépotoirs et les égouts assez nouvelles. Alors, ça explique peut-être le problème de choléra. Et aussi, il y avait un problème de classe. À Québec, c'est intéressant, on a vraiment. La distinction de classe, la lutte des classes est imprimée dans la géographie. On a la haute ville et la basse ville. Puis historiquement, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est un peu l'aristocratie en haute ville, puis le travail en basse ville. C'est encore plus vrai à l'époque. En 1833, le Québec de Québec était géré par des juges de paix. Les juges de paix, c'est quoi? C'est des bourgeois, c'est des commerçants qui dirigent la ville. Et ces gens-là habitent où? En haute ville. Alors, ils n'ont aucun intérêt dans la basse-ville, même si c'est des quartiers beaucoup plus là. Alors, la basse-ville va être très mal pourvue en termes de services. Et il y a toutes sortes de beaux phénomènes. Par exemple, les pluies estivales. Alors, plus qu'il n'y a pas d'aqueduc, les gens mettent des stocks dans leurs poubelles partout dans leur cour, par exemple, en ville. L'été, il va y avoir de la pluie, par exemple, et tous les déchets vont descendre dans la basse-ville. Et là, évidemment, ça va se commencer en basse-ville. Et là, quand ça va sécher, le soleil et tout ça, ça fait des odeurs incroyables. Ça va être vraiment extraordinaire. Problème d'eau potable, gestion des déchets. Comment on fait pour se débarrasser des déchets? Imaginez là, que vous avez 18 enfants, puis que vous devez faire de la bouffe, vous devez changer les couches, vous avez un problème de gestion de déchets. Là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, à chaque fois qu'il y a des travaux de voirie, par exemple, tu crisses un peu de la poubelle dans le trou. Puis la rivière Saint-Charles, parce que de temps en temps, imaginez qu'il est à Pointe-au-Bièvre. Alors c'est très loin, alors les gens préfèrent se débarrasser de leurs affaires n'importe où. Il y a aussi le problème de l'acide carbonique. Alors on a vu tantôt la Saint-Roch, c'est un quartier qui a beaucoup de cheminées. Donc il y a un problème de pollution importante, l'acide carbonique des cheminées, les odeurs aussi, parce que qui dit chaussure dit tannerie. Tannerie, peau, qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper des peaux? C'est des peaux, premièrement, c'est de la peau de l'animal mort, premièrement. Deuxièmement, ça prend des produits chimiques. Alors, ça a vraiment une odeur épouvantable. Et les tanneries sont situées dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'inno-éthanol. Et au début du 20e siècle, c'est Québec et Montréal ont le record nord-américain de mortalité infantile. Un enfant sur trois au Québec vit moins d'un an dans les années 1900-1910. Et de 1895 à 1908, 44% de tous les décès réunis sont ceux d'enfants de moins de 5 ans. La fréquence des décès est environ deux fois plus élevée dans la basse-ville qu'en haute-ville. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en 2016, l'espérance de vie est la même en haute-ville qu'en basse-ville, selon vous? Non. Si vous avez raison. Et quelques années, en tout cas, il y aurait une différence de 7 ans entre la haute-ville et la basse-ville. Donc, il y a beaucoup de facteurs à ça. Alors, 20e siècle, ben, fin du 19e siècle, la chaussure, c'est important. Ça représente quoi? 1871, on parle de 2250 travailleurs employés dans 73 fabriques de chaussures. Il y avait autant d'hommes et de femmes qui travaillaient dans ce domaine-là. Et évidemment, les enfants, 229 garçons et 191 fillettes de moins de 16 ans. Maintenant, j'ai un budget ici à vous montrer. Un budget, encore. Ceci. Ça, c'est très intéressant. C'est un aumônier qui s'appelle Alexis Barbezieux. Qui a décidé de calculer combien gagnait un ouvrier. Je pense que c'est un ouvrier machiniste. Oui, c'est un machiniste. Donc, il a tout calculé les dépenses. Et là, en haut, on voit le salaire et en bas, on voit les dépenses. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'au total, on a un déficit. Donc, les travailleurs s'endettent en travaillant. Le salaire est. Alors, selon vous, puisque au bout d'un an, un ouvrier ne peut pas faire vivre sa famille, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'austérité. C'est l'austérité, n'est-ce pas? La femme, c'est l'enfant travail. Eh bingo! Femme, enfant, travail. Évidemment, pas le choix pour reboucler les fins de mois. C'est pas juste les fins de mois. C'est ça, c'est la misère noire. Excuse-moi François, je suis intrigué par les chiffres. Ouais. Je regarde alimentation, vêtements en termes de dépenses. Qui ici dépense en vêtements la moitié de ce qu'il dépense en alimentation? Ça c'est en l'année, là, c'est sur l'année. Complètement incroyable. Ça coûtait cher. Ben, c'est pourquoi c'est si cher que ça, se vêtir pour un machiniste? Est-ce que c'est parce qu'il doit fournir lui-même des vêtements qui lui. Probablement que c'est utilisé par affaire aussi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas qu'il devait vêtir toutes ses encarts. Oui, mais donc aussi les nourris. Les logements. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui dépensent plus par mois en logement? On laisse la parole. Ça, c'est ça, c'est la source, c'est Alexis Barbezieux. Puis les revenus, les finances, c'est du tout. Est-ce que c'est. On voit aussi que le revenu change. Évidemment, ce n'est pas stable comme aujourd'hui. On fait 40 heures semaine. Il y avait des périodes de désagréables et des périodes de chômage. La loi de 1885, c'est la première loi qui va interdire le travail aux enfants de moins de 12 ans, garçons de moins de 12 ans et filles de moins de 14 ans. Évidemment, ça ne va pas être appliqué à la lettre, ça va être très long. Et au début du 20e siècle, dernier point pour ce qui est la condition des travailleurs travailleuses. Au 20e siècle, les femmes mariées sont considérées comme des mineurs sur le plan légal. Elles ne peuvent pas faire de transactions financières sans demander l'avis d'un parrain, que ce soit sur la vie ou sur son parent. Alors, dans ce contexte-là, on va parler du conflit. En fait, on se dirige vers le syndicalisme catholique. C'est arrivé, il y a un conflit important qui s'est produit au tournant du 20e siècle. Là, on parle de 1899-1900, c'est vraiment dans la charnière du tournant du siècle, à Québec. Il y a un conflit important dans lequel l'Église catholique va mettre son pied dans la porte. L'industrie de la chaussure, au niveau de la province, représente 36% de la production provinciale. Et en 1899, il arrive une situation où les ouvriers et ouvrières commencent à s'organiser, commencent à former des unions. Et là, les patrons regardent ça, nous on ne veut pas d'union. Alors, ils vont se coaliser, ça c'est une organisation qui s'appelle l'AMCQ, l'Association des manufacturiers de chaussures de Québec. Et eux autres, ils vont mettre les employés en leur cadre. Ils vont dire arrêtez de faire les unions et faites plutôt des sociétés bienfaisantes. Ça va être extraordinaire, vous allez pouvoir comme ça compenser pour les salaires qu'on ne reste pas. Et donc, il va y avoir un conflit irréconciliable. Le cadre, pas d'union, les ouvriers ne veulent pas. Et on va demander donc l'intervention de l'Église. Et là, on va avoir l'apparition d'un gars qui s'appelle l'archevêque Bégin. Je pense que j'ai sa photo, puis moi. Donc, il va faire un arbitrage. La première fois qu'il y a un arbitrage dans un conflit de travail, c'est à ce moment-là, dans le conflit de 1901. Par contre, je te parlais de Rerum Novarum, qui était une décision du pape. Par contre, le pape, ce qu'il voulait, c'est pas laisser le champ libre aux socialistes communistes pour gérer le travail. Alors, ils se sont dit, il faut que les catholiques s'intéressent à ce milieu-là. Et Rerum Novarum condamne, je cite, la misère et la pauvreté qui pèsent injustement sur la majeure partie de la classe ouvrière, tout autant que le socialisme athée. Et donc, l'archevêque Bégin va mettre sur pied le premier comité d'arbitrage, qui va commenter les patrons et les ouvriers. Le curé va agir comme un arbitre. Et donc, son intervention ça va être intéressante parce qu'il va légitimer les unions ouvrières. En fait, avec son intervention, il va dire les unions sont légitimes. Mais, tu disais tantôt, hein, les internationaux, eux autres, ils n'aimaient pas trop l'intervention de l'Église. Ben, ce qui est intéressant, c'est que les ouvriers vont être dans ce milieu-là, dans la cordonnerie, vont être un peu réfractaires. C'est-à-dire que les tailleurs et les monteurs vont accepter l'intervention de l'Église. Et les machinistes vont dire, et je cite, parce que c'est un des machinistes, ce n'est pas dans les livres de rhétorique ou de théologie que nous pouvons apprendre combien il faut pour vivre. Ce n'est pas à ces arrivistes à enseigner le salaire que les travailleurs doivent gagner. Ça, c'est Arthur Marois du Conseil central de Québec. Il y a une résistance. Mais malgré tout, l'Église catholique va s'imposer dans le milieu du travail. Il va y avoir trois curés qui vont être nommés aumôniers. Donc, il y a des aumôniers qui arrivent dans les unions. Et ça va mettre fin au conflit. Et suite à ce conflit-là, le conflit de 1901, là, l'Église catholique va faire ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, c'est peut-être qu'on connaisse à l'époque, de l'antrisme. OK? Les ML, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent prendre le contrôle d'une facture? Ils vont peut-être former un comité des ML. Ils vont lire des journaux louches. L'Église catholique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des cercles d'études. Et c'est le même principe. On se prend une gang des catholiques ensemble et on se dit comment je peux faire pour prendre le contrôle de l'Union. Et dans un des cercles d'études qui va être mis sur pied par un gars qui s'appelle Maxime Fortin, je ne sais pas si je ne sais pas quoi, il est sur le téléphone. C'est un abbé, Maxime Fortin qui s'appelle pas, c'est pas grave. Dans le cercle d'études de Maxime Fortin, l'abbé, il va y avoir un gars qui s'appelle Pierre Beaulieu. Pierre Beaulieu, c'est un des catholiques qui est dans le cercle d'études. Et il va rentrer comme ça dans le Conseil central de Québec. Et là, l'Église catholique va dire en 1918, ils vont dire « J'aimerais que vous vous réclamiez ouvertement comme étant franchement catholique. » Ce qui puisque l'antrisme a opéré, le Conseil central de Québec va dire « Oui, nous sommes franchement catholiques et fiers de l'être. » Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va donner une organisation catholique. Et la CTCC va être fondée. CTCC, c'est quoi? C'est la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. C'est l'ancêtre de la CSL. Ça va être fondé en 1921 à Québec. Elle va regrouper 15 000 membres. La ville de Québec fournit le plus gros des effectifs et les cordonniers sont le membre des métiers dominants. Donc, Québec devient comme le château fort du syndicalisme catholique. Et le premier président, c'est qui? C'est Pierre Beaulieu, celui qui était dans le cercle d'études, qui était un cordonnier machiniste. Alors, qu'est-ce que c'est le syndicalisme catholique? C'est une organisation qui est à l'image de l'Église, donc paternaliste, autoritaire. C'est les curés qui décident qui négocient avec les patrons, c'est eux qui rédigent les conventions collectives, c'est eux autres qui vont. Ça va être un peu le syndicalisme catholique. Et ils vont mettre de l'avant une idéologie corporatiste. Que les gens qui savent c'est quoi c'est le corporatisme, ça sonne une cloche. À l'époque, ça faisait penser peut-être à Mussolini, par exemple. Mussolini était populaire par rapport à ça. Puis autres, les fascistes italiens, ils prônaient le corporatisme. Et l'Église catholique à Québec prônait ça aussi. Mais c'était pas exactement la même chose. Mais pour les syndicats internationaux, en tout cas, eux autres, quand ils entendaient le mot corporatisme, ils pensaient aux fascistes. Donc, c'est quoi le corporatisme? C'est, dans le fond, faire cesser tout conflit de travail. Là, je grossis, là, c'est ce que j'ai compris, là, que je vais vous expliquer. Là. Grossièrement, faire cesser tout conflit de travail, donc l'harmonie entre les patrons et les travailleurs. Les patrons ont leur corporation, qui sont dans le fond des gens de syndicats de patrons. Les ouvriers et les ouvrières ont leur propre corporation. Et tous les conflits vont être réglés par des arbitrages avec les députés. Alors, c'est la paix. Jusqu'à l'infini. Et donc, c'était ça, le corporatisme. Et le syndicalisme catholique va faire quand même des gains intéressants. Ils vont, par exemple, syndiquer des travailleurs et travailleuses peu formés, des gens qui sont en région, alors que les internationaux sont plutôt forts dans le centre urbain. Sauf que, le problème avec le syndicalisme catholique, c'est quoi? C'est que c'est catholique. C'est-à-dire qu'il faut être catho pour adhérer à ce syndicat-là. Alors, il y a un problème de recrutement de membres. On est du stagne. Parce que là, t'as des protestants syndiqués, t'as des juifs. Alors là, évidemment, ils devaient rester aux portes du syndicalisme catholique. Est-ce que ça veut dire, François, qu'on applique les valeurs catholiques? Ça aussi, bien sûr. Il y a des aumôniers sur les lieux, dans les unions. Alors évidemment, ils sont toujours là à te checker en dessous de l'épaule pour voir si tu respectes, si tu vas pas trop au cinéma ou des choses comme ça. Et donc, comment ça va se produire? C'est qu'en 1925, il va y avoir un syndicalisme un conflit de travail important à Québec. Le syndicalisme catholique va faillir, va se planter. Ça veut dire encore une fois, les patrons vont avoir une baisse de salaire, puis ils vont avoir un arbitrage, puis l'Église va dire oui, c'est correct la baisse de salaire. Alors voilà, ça donne pas grand-chose. Finalement, les syndicalistes, la CTCC, va prendre ses distances de l'Église à la fin des années 30. Puis, si on veut le sommet. De l'importance de la CTCC, c'est en 1936, on va regrouper 37% des syndiqués. Puis il va y avoir la Deuxième Guerre mondiale, alors évidemment, toute l'idéologie corporatiste va être discréditée. Et les aumôniers vont devenir discrets, ils vont finir finalement par disparaître. Le dernier va quitter la CSM. En fait, la CTCC change de nom en 1960 pour devenir la CSM. Et le dernier aumônier va quitter la centrale en 1971. Et j'ai l'heure du jour de PV, SPPV de la CSM de 1971. Et ceux qui sont attentifs auront vu le premier point qui est à l'heure du jour, c'est la prière. Et oui, comme le conseil de municipal de Saguenay. Alors voilà, pour ce qui est du féminisme catholique, maintenant on va parler de féminisme. C'est un peu ennuyant de faire un chapitre séparé à propos du féminisme pour parler du rôle des femmes dans l'histoire de c'est un défaut, on peut trouver dans la majorité des manuels, le moment où on parle des femmes autrement qu'une catégorie démographique de reproduction de cellules familiales, ben, c'est le chapitre féministe qui nécessairement va apparaître à partir de 1893. Ouais. Ouais, c'est un peu ennuyant pour. De parler des femmes principalement, on en a parlé un peu, là, je l'ai essayé dans notre atelier, hein, mais moi, excusez-moi. De parler des femmes à partir d'un chapitre féministe. On en a peu parlé sur les questions amérindiennes, où pourtant les femmes pouvaient faire de la représentation diplomatique, par exemple, parce qu'il était le temps de rencontrer le gouvernement. Où elles exerçaient un rôle, on le sait, au sein du cadre démocratique. Travailler à produire des décisions pour la nation en question. Le féminisme, lui, spécifiquement, hein, c'est un mouvement très moderne qui apparaît au tournant du 20e siècle et qui réclame, bon, en théorie, l'émancipation de la femme, qui est attachée au mouvement des suffragettes, puis à l'obtention du droit de vote, on sait. Bon. Il y a quand même deux trois choses qu'il faut remettre en question. Bon, on a déjà évoqué la question de l'état de sujétion des femmes. Le fait qu'au 19e siècle, bon, avec le développement de la société moderne, on a réduit la femme à un rôle dans la sphère privée. On l'a progressivement retirée de la sphère publique, hein, de là où on prend parole, où on s'exprime publiquement. Alors évidemment, l'histoire retient, c'est celles qui vont avoir pris parole, donc à partir du mouvement féministe principalement, moi au 19e siècle. Et on le sait, dans la Constitution canadienne en 1867, il est clairement écrit que la femme est une personne mineure. Donc, c'est que les enfants, les fous, et dans une moindre mesure, les Américains et les Américains. Néanmoins, la capacité d'action des femmes dans la société québécoise est un peu plus complexe que cette vision-là qu'on a. Pour une raison particulière, qui est reliée à un résidu de l'ancien régime français qui s'est continué au long du 19e siècle, c'est celui d'une société catholique qui accorde certains rôles et responsabilités aux femmes, beaucoup plus que dans une société capitaliste protestante traditionnelle. Pourquoi? Parce que dans l'Église catholique, en sacrifiant beaucoup de choses, peut néanmoins aller dans une communauté féminine religieuse. Ou, évidemment, si dans l'aristocratie, il faut peut-être même fonder la communauté religieuse, qui est peut-être une aristocrate, qui va avoir de l'autonomie. Mais même si tu viens d'une autre classe sociale, tu es susceptible d'obtenir dans une communauté religieuse des devoirs, des responsabilités et un pouvoir largement supérieur à ce qu'on peut t'accorder ailleurs dans la société. Avoir une certaine forme d'autonomie qui est impossible d'obtenir dans la société patriarcale traditionnelle. Et ça, c'est quand même intéressant. Certains vont idéaliser cette période-là, entre autres dans le régime français, parce que ces femmes-là vont réussir à créer un certain nombre d'institutions qui sont sans précédent et qui n'existent pas aux États-Unis. C'est la fondation d'un premier hôpital, est-ce que c'est l'hôpital, général, le premier hôpital à Québec? Hôpital général au 17e siècle. Au 17e siècle, aux États-Unis, premier hôpital, c'est genre 1745. C'est peu de temps avant l'indépendance. Elles ont réussi, ces femmes-là, en se regroupant, à être relativement autonomes, relativement autosuffisantes d'un point de vue financier, en vendant là, les produits de leur terre, et en créant là, un régime de soutien social qui est vraiment supérieur à ce qu'on peut trouver nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Donc, elles ont quelque chose qu'on peut obtenir dans un ancien régime, c'est-à-dire un statut social différent. Alors que dans une société capitaliste, normalement, il n'y a pas de statut social. T'sais. Tout le monde est de façon individuellement indifférenciée et regroupé selon leur classe sociale. Okay, je peux pas m'attarder de ce côté-là. Ça va avoir un défaut quand même. Possibilité-là pour les femmes de trouver un sens à leur vie et à avoir une action sociale dans les communautés féminines, c'est que ça va probablement servir de contre-modèle au développement du féminisme au Québec. Oui, l'antiféminisme a été très fort au Québec, et vraiment virulent. Nos élites québécoises étaient virulemment antiféministes. Le premier, le plus connu, c'est le fondateur du Devoir, Henri Bourassa, qui vraiment un preach incroyable contre le féminisme. Il a réussi à faire des choses incroyables. Je vous le dis, un jour, une des grandes fondatrices du féminisme, Marie Guérin Langeau. S'en va à Rome dans un congrès de féministes chrétiennes. Et là, elle découvre, donc en Europe, tu peux être une féministe catholique, tu es en faveur du droit de vote. On est en 1930, quelque chose comme ça. Et là, il y a un congrès, blablabla. Donc, il y a quatre résolutions. Puis la quatrième dit que, bon, finalement, les femmes peuvent prendre le droit de vote et travailler, à avoir une société chrétienne le plus développée. C'est que je suis désolé de ne pas avoir la citation. Et en même temps, Henri Bourassa se promène à Rome. Il va convaincre un archevêque catholique. C'est une mauvaise idée. Ajoutons une cinquième proposition, comme quoi que ça dépend des évêques du pays. Fait que finalement, c'est les évêques qui décident. Hein. La proposition est ajoutée. Et puis Marie-Hélène Lajoie, après, elle a fait bon, ben, je pense que je vais abandonner. Je vais arrêter ma lutte à ce moment-là. Si l'Église catholique là, me poignarde dans le dos comme ça, il y a des limites à ce que je peux faire comme participation. L'histoire du féminisme au Québec a été retardée par probablement la participation de. Probablement cette expression-là catholique là, du féminisme. Mais l'histoire du féminisme au Québec est contemporaine et apparaît en même temps au Québec que partout en Europe et en Amérique. Pour une drôle de raison, entre autres, un jour en 1893, il y a une grande leader féministe britannique qui migre avec son mari, qui est gouverneur du Canada, et donc chef d'État. Et elle va. Elle participait à coordonner et à organiser les féministes libérales et bourgeoises à travers le Canada, dont à Montréal. Et va se créer assez rapidement une organisation à Montréal, le nom précis de l'organisation, le Conseil local des femmes de Montréal, en anglais, en 1893. Donc, c'est une organisation qui est essentiellement, oui, anglophone, mais il y a quand même quelques femmes, dont celle que j'ai nommée. Quelques catholiques francophones qui ont participé à ce début de féminisme-là. Ce féminisme-là, pour celles qui ont des notions par rapport au féminisme, on pourrait dire que c'est un féminisme de première vague, mais c'est surtout un féminisme qu'on va appeler maternaliste, ou peut-être différentialiste. On va dire que les femmes sont complémentaires. On ne va pas nécessairement revendiquer, elles ne sont pas en faveur d'ailleurs du droit de vote aux femmes au début. Elles vont revendiquer par contre une place. Plus grande aux femmes dans les questions sociales, dans la gestion de la société, dans les affaires de la société. Et on leur connaît par exemple une grande participation dans la lutte contre l'alcool, la prohibition, dans l'hygiène, dans quelque chose qui est vraiment important, tu l'as parlé, sur la question du lait, par exemple, le taux de mortalité infantile au Québec, complètement délirant sur les normes occidentales, ben, il fallait développer des centres de distribution de lait pasteurisés, là, hein, pasteur, là, permet de faire baisser le taux de mortalité infantile. Puis elles ont fait pression sur ces femmes bourgeoises libérales-là, sans nécessairement avoir un discours féministe égalitariste en faveur de l'obtention du droit de vote. Au début, dans ce début du 19e siècle, dans cette fin du 19e siècle-là. Mais c'est au sein de ce féminisme matérialiste-là aussi que va se côtoyer, ou qu'elles vont côtoyer, des féministes, elles, beaucoup plus radicales. Qui, entre autres, vont se faire connaître pour avoir des grandes luttes spectaculaires en Grande-Bretagne, avec des actions de désobéissance civile incroyables, incroyables entre autres par leur violence, on pourrait dire, là, sur soi, les suffragettes. quand on allait aux États-Unis, on parlait très de la fin, on s'est emprisonné. Bon, il y a un film qui sort là-dessus, là, je ne l'ai toujours pas vu. On voit des actions de défense civile très fortes. Et ces suffragettes-là vont côtoyer parfois dans les mêmes organisations, parfois dans des organisations concurrentes, ces féministes bourgeoises-là, un peu moins au Québec par contre, les suffragettes vont moins faire ces actions de défense civile-là, mais par contre, elles vont lire les mêmes journaux. Hein, parce qu'à chaque fois que les suffragettes vont faire des actions de défense civile à Londres, ben. Ça va être publié dans les journaux au Canada aussi. De façon sûrement péjorative là, par les journaux de l'époque. Les Canadiennes françaises, elles sont quelques-unes, elles ne sont pas beaucoup. Tous issus de la bourgeoisie vont participer à ce début de mouvement féministe-là. Et ils vont y voir des limites à un moment donné, parce que bon, elles sont issues de la bourgeoisie, elles sont catholiques, elles sont francophones, elles ont besoin de se reconnaître au sein de la même société dominante canadienne. Elles ne se voient pas dans la ville métropolitaine comme séparées. Donc, de la société dominante, ils vont se sentir le besoin de participer avec l'Église catholique à une organisation féministe catholique, dont le charmant nom est, c'est vraiment drôle comme nom, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle avait aidé à financer un projet déficitaire. Donc, Marie et la joie, quelques autres bourgeoises ont fondé cette organisation en 1907. Et au début, elles obtiennent l'accord de l'évêque. Chose super importante. Pour le degré de participation de l'Église catholique à ça, je ne sais pas trop c'est quoi. Mais elles vont quand même réussir à faire beaucoup de choses jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elles ne vont pas forcément là, participer au mouvement des suffragettes, ni à l'obtention du droit de vote des femmes qui a été obtenu en 1917 au Canada. Ben, c'est quand même quelque chose. Mais elles vont organiser très rapidement des assemblées locales un peu partout, des corporations ouvrières féminines, par exemple, un genre de syndicat boiteux, chez des syndicats spécifiquement féminins. Et elles vont réussir à faire quelques trucs jusque justement après la Première Guerre mondiale, où ça va devenir de plus en plus difficile de collaborer, de travailler avec leurs camarades féminines protestantes. Est-ce que le mouvement nationaliste québécois à cette époque-là est un peu xénophobe, beaucoup xénophobe, exclusif, et accepte très mal que les catholiques puissent travailler avec les protestants sur les enjeux, même très pratiques. Donc, progressivement, elles vont se distendre, elles vont continuer à collaborer, ils vont être obligés d'abandonner certaines luttes. On a vu quand même que bon, Marie-Hélène Lajoie a quand même continué un petit peu ce mouvement des suffragettes. Mais, somme toute, cette première vague de féministes-là, canadienne française, va s'essouffler. Il va y avoir d'autres bourgeoises qui vont reprendre le flambeau, comme Thérèse Cardinin, que vous connaissez sûrement, qui elle va le faire dans un mouvement spécifique sur l'obtention du droit de vote, dont le nom m'échappe. Elle va continuer à travailler là-dedans. Au sein du Parti libéral, entre autres, à partir des années 1930, si je me souviens bien, et le droit de vote va être accordé par les libéraux en 1940-41, je crois. 41, si je me souviens bien, je me souviens pas. Néanmoins, il y a d'autres féministes qui ne sont pas nécessairement issus de la bourgeoisie, ou de la grande bourgeoisie, puisqu'on parle vraiment de grande bourgeoise. Ce sont des filles de sénateurs, des femmes qui sont mariées à des hommes très riches. Une, vous avez peut-être noté sur l'événement Facebook pour ceux des sites qui sont sur les réseaux sociaux, Idéla Saint-Jean. Idéla Saint-Jean, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle, contrairement donc, à cette première vague féministe qu'on va appeler maternaliste, même si je contreviens un peu la typologie là, féministe, elle n'est pas maternaliste. Elle considère d'emblée, en écrivant dans un journal syndical dans les années 30, que la femme et l'homme sont égaux, et que l'obtention du droit de vote relève du droit naturel dans un discours libéral là, le plus conventionnel, le plus républicain. Et ça, c'était nouveau pour une féministe. Et là, Saint-Jean, c'est une femme, je pense, elle est décédée en 1941-45. C'est quand même intéressant parce que ça nous remet en perspective une modernité montréalaise qui est contemporaine, similaire aux expériences qu'une féministe pouvait vivre à New York, à Paris, à Londres, loin de cette image-là de, qui est complètement là, relié là, à l'image de la grande brasseur qu'on peut avoir, où l'Église catholique est vraiment dominante. Elle avait une possibilité d'action, elle écrivait des articles féministes sous son nom à elle. Elle était appuyée par d'autres hommes libéraux aussi. Et elle travaillait avec les syndicalistes internationaux là, en fait, justement. Lorsque les femmes vont obtenir le droit de vote en 1941, les féministes vont continuer à réclamer l'égalité juridique. C'est la principale et première revendication de l'égalité juridique. Non pas seulement l'égalité de façon du droit de vote, là, mais tout simplement le droit de pouvoir avoir son salaire, avoir des chèques signés à son nom, pouvoir divorcer, des droits qu'elles vont obtenir très tardivement, jusqu'à les années 60, là, pendant la Révolution tranquille. C'est quand même assez tard d'un point de vue canadien, peut-être moins mondial. Là. Ces féministes ont continué à lutter pour ça. Ils vont continuer à lutter aussi pour, comme je l'ai dit, des offres de philanthropie pour régler des questions sociales. En fait, la question ouvrière, qui est vraiment là, similaire. Là. Le féminisme et la question ouvrière apparaissent à peu près en même temps pour résoudre les mêmes problèmes. Et on peut même dire, juste à partir, que le féminisme maternaliste est une façon de contourner la question ouvrière et le socialisme, en lui donnant un mode de résolution féministe bourgeois. Et éviter le passage non au socialisme. Ce n'est qu'une affaire. Autre chose très importante pour ces féministes à la première vague-là, la question de l'éducation qui est primordiale. Ces femmes-là, elles ont les bourgeois, elles ont de l'argent, elles ont du temps. Des fois, du temps qu'elles auraient croyé par des domestiques femmes dont on ignore la condition, là, c'est comme un angle mort. Tu sais. Elles veulent continuer leur scolarité, elles veulent obtenir. C'est pas le droit de vote, là, mais le droit de faire un PAC, le droit d'être comptable, le droit d'être avocat, on peut vraiment obtenir ces droits-là. Et de fait, c'est sûr, là, une femme comme Grace Saint-Jean est enseignante de français à McGill, non pas à l'Université de Montréal. C'est un peu trop triste. Après la Première Guerre mondiale, la tension là, du droit de vote pour venir à cette idée-là, on pourrait se poser la question si au Québec, les femmes qui militaient se revendiquaient comme féministes. Étrangement, c'était pas un mot qui, non seulement c'était pas un mot qui était populaire, mais pour elles, c'était pas nécessairement, disons, leur vision du progrès social. Elles ne voulaient pas lutter à titre de femmes, juste sur la question de l'égalité. Et là, d'où le fait que les mouvements féministes, après la Deuxième Guerre mondiale, puis pendant les débuts de la Révolution tranquille, ne se revendiquaient rarement sur les questions féministes spécifiquement. Et c'est plus tard, lorsqu'elles ont vu les difficultés de travailler dans des organisations patriarcales, syndicales, marxistes, nationalistes, lorsqu'elles ont vu que c'était difficile de travailler avec des hommes qui continuaient à avoir leur attitude patriarcale, que là, elles ont créé des organisations féministes, on va dire plus radicales souvent, qu'on dit de seconde vague maintenant, et d'où va émerger le féminisme moderne, le contemporain, qui lui va observer que oui, il faut lutter pour l'égalité, en fait l'égalité économique, mais il faut aussi lutter contre le patriarcat, qui est un adversaire en propre, au même titre que le capitaliste ou les personnes de l'État. C'est quand même plutôt plaisant de travailler sur l'histoire du féminisme. Pour certains points, c'est qu'il y a quand même des noms intéressants qu'on peut mettre en valeur, puis donc en magazine, dans notre culture générale. Barry Guéret-Lajoie, on l'a déjà noté. Thérèse Gallegrain, un grand nom là, de l'histoire de François du Bois de Vot, et de la Saint-Jean. D'autres que vous connaissez un peu plus, entre autres parce qu'ils sont dans la mémoire des socialistes, dans la mémoire des syndicalistes. Léa Robach, une militante juive ouvrière qui a lutté longtemps. Madeleine Parent, qui, comme Léa Robach, était communiste. Et Simone Monet, Chartrand, on associe le nom de famille à l'époque, là, comme les deux dernières, ont lutté aussi pour les mouvements fascistes. Ça, c'est quand même, je pense, un acquis de l'histoire du féminisme. Qui est quand même intéressant, et là, vous m'excusez, je suis en train de ne pas avoir souvent parlé là, de l'histoire des femmes dans les luttes ouvrières dans le passé. Bonjour. Alors, Alors, je vais parler plus certains événements importants qui se sont passés à Québec. Deux choses qui se sont passées près dans le même moment. Quand la guerre mondiale, c'est le 1918. Il y a eu deux événements importants à Québec qui se sont produits. Ils sont peut-être plus connus. Il y a des gens ici, évidemment, ceux qui sont au courant de la crise de la construction, là, la fusillade qui a eu lieu à Québec. Vous la même. C'est important que vous sachiez ça. Crise de construction, et aussi, il y a aussi des membres de l'IWE ici, parce que il y a le syndicat concurrent à l'ODU qui va être comme. Il va y avoir un congrès à Québec qui va être comme le prélude à la création de l'ODU. C'est assez marrant. Donc, crise de la construction. Ça, vous allez absolument me rappeler de ça. Donc, on est en pleine Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, c'est quoi? C'est une guerre qui se passe en Europe entre des monarchies fatiguées et consanguines. Ce n'est pas des blagues. L'empereur allemand, il avait un petit bras. Et donc, c'était un conflit européen. Et les Québécois n'étaient pas trop forts pour aller défendre la mère patrie, l'Angleterre, dans ce conflit-là. En tant que cher à Canada. Donc, par contre, d'ailleurs, les historiens qui ont fait remarquer que les volontaires canadiens qui partaient combattre en Europe, c'était souvent des gens qui étaient nés en Angleterre. Fait que le Québec n'était pas très, très hot la Première Guerre mondiale. Donc, à un moment donné, le Canada devait faire son effort de guerre. Alors, ils ont parlé, le gouvernement de Robert Borden. Bien sûr, Robert Borden, qui était premier ministre conservateur, il a décidé de faire la conscription. Et donc, il y a des gens qui disent aussi que la Première Guerre mondiale serait due au fait qu'il y avait une montée des mouvements sociaux. 1918, on pense à quoi? Un événement d'ampleur internationale à l'époque, à ces années-là, 1917. La Révolution russe. Ou encore la Révolution russe. Alors, il y avait comme une montée des mouvements sociaux à travers le monde. Il y avait ça comme une sorte de vague d'enthousiasme révolutionnaire. Et donc, probablement que la Première Guerre mondiale, c'est peut-être des historiens qui ont avancé l'hypothèse que c'était une idée de neutraliser les mouvements sociaux. C'était quand même pas fou. Et donc, au Québec, à Québec particulièrement, au Québec, dans le fond, la Première Guerre mondiale, c'est pas très populaire. Il y a des mobilisations importantes à travers toute la province. Par exemple, il y a des gens qui vont s'organiser dans des villages. Qui vont s'armer carrément, puis ils vont s'habiller se mettre dans un camp en bois, en attendant les agents recruteurs. C'est des gens, en fait, qui vont s'isoler pour refuser la conscription. Il va y avoir aussi dans les villes, il va y avoir souvent des caissages de journaux. Donc, des journaux qui sont pro-conscription, puis il va y avoir des manifestations, puis les gens vont aller casser les vitres des journaux. Quelque chose d'assez courant. Et il va y avoir, imaginez-vous, les ancêtres, il y a des gens qui ont dit que c'est l'ancêtre de la FSU. En 1917, la maison de Hugues Graham, qui est propriétaire d'un journal à Montréal, le Montreal Star, va être dynamité à Cartierville. Mais curieusement, c'est à Québec que les grosses émeutes, les gros événements vont se produire. Ça commence le jeudi 28 mars 1918. Ça coïncide avec le début de la semaine sainte. Et là, pourquoi? C'est comme ça. Et ça commence en fait avec l'arrestation d'un gars. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu un élément de déclencheur, mais les gens étaient tellement remontés contre les agents recruteurs. Les gens, ils haïssaient les agents recruteurs. Pourquoi les gens les haïssaient? Imaginez un agent recruteur, c'est un gars qui se promène dans la rue. Puis là, il dit, bon, ben, montre-moi tes papiers. Puis bon, ben, t'es en âge d'aller à la guerre, alors je te prends, puis je t'en vais en Europe. Il y a eu des cas comme ça. Il y a des agents recruteurs qui sont réputés pour venir des milieux interlopes. Donc, le crime organisé. Alors, c'est des gens qui ont une très mauvaise réputation. Ils sont vraiment haïs par la population. Et à un moment donné, il va y avoir une arrestation. Ça se passe pas très loin de la plage, en quartier, dans une salle de quilles. C'était pas quelque chose qui était branché, ce qui était vraiment hot, ce qui était cool, ce qui était dans le vent. C'était les quilles. Et donc, il y a des agents recruteurs qui rentrent dans une salle de quilles. Donc, tous les jeunes gens sont en train de jouer aux quilles. Et puis là, il y a un interpelle un au hasard qui s'appelle Joseph Mercier. Montre pas tes papiers. Et là, Joseph Mercier, il fait comme. Je disais pas sur moi. Fait que là, il dit bon, ben, je vais appeler mon père, il va venir lui passer les papiers. Et les agents recruteurs vont refuser de le laisser passer un coup de fil. Fait qu'ils vont l'amener de force vers la poste de police, qui se trouve où? Sur la plage Jean-Cartier. Et là, ça va être comme l'élément déclencheur. Les gens sortent des églises parce que c'est le début de la semaine sainte. Alors, c'est le moment où tout le monde sort. Il y a des milliers de personnes, qui vont venir voir l'interpellation. Ils vont faire crier relâcher, merci, relâcher, merci. Et là, le poste de police va être pris pour cible et ça va être les pierres qui vont se faire voler. Les morceaux de boules de neige qui vont être lancés, puis des pierres. Et la place Jean-Cartier, c'est plus de la bibliothèque, c'est ça? Oui, c'est ça. Où se trouve actuellement la bibliothèque de Gabriel-Leroy. Ok, c'est bon. Avant, à cette époque-là, c'était, il y avait l'hôtel Saint-Roch, puis il y avait chaque côté le poste de police. Puis c'était vraiment le lieu de rassemblement important. La place Jean-Cartier, ça a toujours été un lieu de rassemblement important. Et les émeutes vont durer 5 jours. Ça va prendre dans l'ampleur de jour après jour. Il va y avoir l'auditorium qui va être saccagé. L'auditorium, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, je pense que c'est le cabaret du Capitole. C'est dans le fond, donc, dans le fond, chaque jour d'émeute, c'est pas compliqué, ça commence à Saint-Roch, en Basse-Ville. Il va y avoir des grosses manifestations, ça va chanter. Qu'est-ce que ça va chanter? Qu'est-ce que les gens chantent? C'est le Père National. Non! C'est la Marseillaise et le Haut Canada. Ça passe toujours à Basse-Ville et ça monte dans la Haute-Ville et c'est là que le trouble commence en Haute-Ville. Donc, caillassage de journaux. Puis saccage de l'auditorium notamment. Qu'est-ce qui t'arrive, Mercier? Ben Mercier, il va être relâché quelques heures plus tard parce que son père était avec les papiers de démobilisation qu'il avait. Quand il vient jouer pour l'armée qui provoquait les troubles, 5 jours de troubles assez intenses pour leur connerie monumentale. Puis il va passer à l'histoire. Ouais. C'est juste le 15, c'est pas très important qu'il essaie de jouer avec Mercier. Et donc 5 jours de l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un gars, un politicien à un moment donné qui va arriver, il s'appelle Armand Laverne. Tu verras, c'est un élu. Et ça va être la veille du 1er avril 1918, le jour fatal. Alors lui, il va avoir une grande assemblée, encore une fois, sur la place Jean-Cartier, comme chaque jour. Et lui, il va monter sur le toit du poste de police, où il y avait régulièrement des discours. Alors, Armand Laverne, il va là, il va dire, je vous demande, s'il vous plaît, j'ai rencontré toutes les élites, là, le général Machin, oui, le général en chef, ça peut être Machin, je l'ai vu. Puis le maire, hein? Le Machin, c'est vrai que c'est le Machin. Tantôt, en 1968, le colonel Strange, en tout cas, c'est des gros de nom. On a bien pétré, nous autres. Ben oui, on a pétré. C'est une force de l'ordre, excellent nom. Alors, Armand Laverne, il est allé discuter dans le fond avec les élites de la ville. Puis, au château Frontenac, il a bien négocié. Puis, il a eu comme l'assurance que s'il n'y avait plus de foule qui se rassemblait à la Jean Cartier, ben l'armée allait s'en aller et laisser tranquille la population de Québec. Fait que lui, tout naïf, tout content, il s'en va annoncer ça à la page Jean-Cartier, aux gens assemblés, il va dire, bon, ben, je vous prie de vous disperser, faites confiance à l'action parlementaire et à mon gouvernement, tout va être réglé. Il n'y en a plus de problème, rentrez chez vous. Et je vous certifie que demain, si vous ne vous rassemblez pas, il n'y aura pas de soldats dans les rues. Au petit matin, le lendemain, la page Jean-Cartier est cerné de soldats, des conscrits anglophones. Alors, avant la veille, c'est un petit peu fourvoyé. Et là, l'armée va imaginer que vous êtes sur la plage Jean-Cartier, vous êtes rassemblés entre camarades, et puis là, pendant toute la journée, tu as des soldats anglophones qui sont tout autour de la plage Jean-Cartier. Donc, vous voyez, la plage Jean-Cartier, il y a une dans votre tête. C'est peut-être des images aussi de la plage Jean-Cartier, non? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la plage Jean-Cartier à l'époque. Ça, c'est la poste de police là. Ça, c'est l'hôtel de Saint-Roch. La bibliothèque, elle est. Le 1er avril 1918, donc tous les gens se rassemblent sur le plan Jean-Cartier. Là, on se demande qu'est-ce qui va se passer. L'armée est là, elle est construite tout autour. Qu'est-ce qui va se passer? Et pendant toute la journée, il ne se passe rien. Quand soudain, à 19h du soir, les soldats se mettent en branle et commencent à repousser la foule vers Saint-Sauveur. Là, tu as la cavalerie qui se met à charger dans la foule, le sabre au clair. Et là, les pierres se mettent à voler. Et l'armée va repousser la foule vers jusqu'à l'Angelier, aucun endroit, on va lire. On va déclarer la manifestation illégale. on va lire Lac de Meute. À l'époque, c'était Lac de Meute. C'est comme, je ne sais pas pourquoi c'est disparu, Lac de Meute, on avait commencé. Maintenant, ils vont retrouver avec le règlement sur la paix de Mandat. Mais, non, c'est ça, ils lisent Lac de Meute en anglais. Et ils vont se faire tirer sur la foule. L'armée tire sur la foule. Vraiment, au coin Angeli. Au sud-ouest d'Angeli. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en plus, comme c'était pas suffisant, ils vont installer en plus une mitrailleuse Lewis, la même qui était utilisée sur les chars de bataille de Rampelin, juste pour être bien certain, de faire le maximum de dégâts. Et donc, le bilan de ces 5 journées d'émeute, ça va être 4 morts et 70 blessés. Je pense que j'ai d'autres images. Ah, ça, c'est des soldats à votre quartier. C'est la couronne, vous avez la couronne, vous voyez, le tramway. C'est le merger, c'est le bâtiment, là, le plus haut bâtiment, en France, c'est le gros arrondissement de la cité de Montreux. Vous voyez le charret qui part. Bon, ça, c'est le journal de la France. Ça, c'est en fait, c'est le monument, là, que c'est maintenant la salle ouverte sur la rue Saint-Denis. Ça, c'est l'espèce de monument aux morts, aux 4 morts qui est venu. En fait, le bilan, c'est 4 morts, 70 blessés. Et ça, c'est sur la piste de l'arrêt d'autobus. Ça, c'est ça. Et bon, les nationalistes qui écrivent sur cette histoire-là, ils vont souvent faire refléter justement, bon, souligner les aspects là. En fond, le conflit entre les anglophones et les francophones. Mais moi, ce que j'aimerais souligner, c'était aussi un conflit de classe. Parce que les 4 morts, ça va être les 4 ouvriers, des gens qui viennent de Saint-Roch, de Saint-Sauveur. Si les soldats étaient majoritairement des conscrits anglophones, c'était qui le chef des opérations? C'était François-Louis Lessard. C'était non seulement un gars québécois, mais un gars qui était né à Québec. C'était un champion de la répression des insurrections. Il a participé à la guerre des Boers. Il a participé à la répression des Métis dans l'Ouest canadien. Donc, c'est un de souche. François-Louis Lessard. Ça, c'était pour la crise de la conscription de 1918. Puis, si, c'est ça, c'était une période charnière. Ah oui, c'est important de dire. Pourquoi est-ce que. On a fait pisser le sang. Alors que Armand Lavergne, le député, il avait dit inquiétez-vous pas, tout va être réglé. J'ai parlé avec le général Machin, tout est réglé. Pourquoi est-ce qu'on a tiré sur la foule? En plus qu'il y a eu une enquête coroner, puis il semblerait que même les soldats avaient mis des balles explosives. Donc il voulait faire il y a une volonté de faire du dommage. Donc pourquoi? Alors. Permettez-nous, il faut qu'on se remette dans le contexte de l'époque. Donc, je vais parler tantôt de la Révolution russe. Premier ministre conservateur Borden, il voit la Révolution russe, il voit la montée des mouvements sociaux. Et il se dit qu'il faut absolument foutre la frousse à tout le monde, il faut faire peur à tout le monde pour ne pas qu'il y ait d'émeutes communistes, qu'à l'époque, il y ait une révolution au Canada aussi. Alors, c'est ça l'intention qu'il a en réprimant les troubles à Québec, c'est de foutre la fois sur tout le monde. Et il y avait probablement pas tard, parce que dès l'année suivante, il va y avoir quoi? Il va y avoir la grève de Winnipeg, qui est la plus grande grève en Amérique du Nord. Puis ça m'invite à parler d'un peu de l'OBU. Si on recule, tantôt, on a vu l'affiche, à Québec, il va y avoir le congrès qui va mettre la place pour. La création de l'OBU, la One Big Union, qui est un syndicat révolutionnaire. C'est ça là. Ça, c'est la fond de publicité de la compagnie Paquette. Donc, le magasin Paquette, si vous voyez sur la rue Saint-Joseph, il y a encore la façade. Là, c'est un grand magasin qui a existé pendant, je pense, plus de 100 ans. Ça. Une institution, si tu veux, des grands magasins à Québec. Et ça, c'est drôle, il avait acheté une pleine page de publicité pour le congrès syndical. On verrait plus ça aujourd'hui. Mais donc, tu sais, tant qu'à venir à Québec faire votre congrès, venez donc acheter, je sais pas quoi. C'est quand même chouette la fiche qu'on fait. Donc, ça, c'était quoi? C'était un congrès en 1918. Et là, il va y avoir un affrontement entre les délégués radicaux et modérés. Sur quelle question? c'est le Congrès des métiers du travail du Canada, le CMTC. Donc, sur quoi ils s'affrontent les radicaux et les modérés? C'est sur la question de la conscription, parce que les modérés avaient appuyé la conscription. Les syndicalistes modérés avaient dit qu'il faut aller se battre en Europe. Alors, les radicaux vont les affronter. Et là, je vais citer Gustave Franck. Le lendemain de ce congrès, le monde ouvrier fait paraître un éditorial dénonçant les méthodes préconisées par les ultra-radicaux au cours du congrès de Québec. Le journal s'en prend principalement à leur position anarchisante, alléguant que les ouvriers ne réussiront pas à prendre le pouvoir par l'action directe comme en Russie, mais qu'ils doivent plutôt miser sur l'action politique parlementaire comme le permet le système démocratique. Alors, les radicaux, dans ce congrès-là, vont quitter dans le fond la CNTC et ils vont aller fonder la One Big Union à Calgary l'année suivante. One Big Union, c'est quoi? C'est un syndicat qui est en train de regrouper tous les premiers travailleurs du monde entier. Et leur objectif, c'était de supprimer le capitalisme et de redonner le contrôle des moyens de production à la classe ouvrière. C'est dans ce contexte-là qu'on va voir la fameuse grève de Winnipeg qu'on aborde aujourd'hui et qui, selon plusieurs historiens, c'est la plus grande grève de l'année du monde. Donc, c'est quand même amusant de voir que le congrès qui a mené à ça, c'est à Québec. C'est amusant. Juste avant d'aller en conclusion, on n'a pas vraiment le temps de parler d'organisation politique là, de l'ouvrière dans ses perspectives radicales ou réformistes. Si ce n'est que bon, François a souligné qu'on voit à partir de 1918, surtout dans l'Ouest canadien, où il y avait beaucoup de travailleurs immigrés, en tout cas d'origine juive, ukrainienne, finlandaise, qui étaient dans des grands camps de bûcherons, ce genre de choses-là, se syndiquer ou autour de la One Big Union, mener la grève de Winnipeg, ce genre de choses-là. C'est une grande course d'ailleurs là, au gouvernement conservateur qui avait peur que la révolution russe fasse sa chute. Chose qui était aussi combattue par autant le syndicalisme catholique de l'Occident que le syndicalisme international de la FL. C'est les débuts là, de ce côté-là du syndicalisme radical, qui par la suite a été suivi aussi de l'organisation d'un parti communiste qui a été fondé en 1921, si je me souviens bien, dans lequel la participation des Canadiens et Canadiennes françaises était très très limitée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui ça ne signifie pas qu'il n'y avait pas de Québécois dans le parti communiste canadien. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de Juifs et de gens d'Europe de l'Est, finalement, qui étaient membres du Parti communiste, qui sont allés, par exemple, dans la guerre civile espagnole, dans la guerre nationale, ce genre de choses-là. C'est surtout autour de la Deuxième Guerre mondiale qu'une petite partie de la classe ouvrière s'est réfugiée au sein du Parti communiste canadien, qui était pour plein de luttes syndicales, entre autres dans le domaine du textile. Ces syndicalistes-là se sont joints après aux syndicalistes internationaux, de l'ensemble de la FTQ. Et pour des logements sociaux. Sinon, d'un autre côté, on a vu l'organisation politique de la classe ouvrière autour d'organisations réformistes, dont l'ancêtre de la du NPD, autour de la CCF, Commonwealth Federation, il manque un Canada. Ouais, merci, exactement, qui a été fondée dans l'entre-deux-guerres, qui a été largement appuyée par les syndicats internationaux et entre autres une femme qu'on évoquait tantôt, la Thérèse Candidat-Grain, qui était peut-être une féministe bourgeoise, mais qui était candidate à Westmount pour la CCF pendant de nombreuses années. Mais c'est un peu ce qu'on peut voir là, avec cette organisation-là, c'est la candidature dans l'entre-deux-guerres, c'est un genre de rendez-vous manqué là, avec le Québec, une indifférence complète entre les deux. C'est marginal, sauf peut-être dans l'univers montréalais, comme vous le dites, mais tout, c'est cette convergence-là entre une voie radicale ouvrière, une voie politique réformiste ouvrière et la classe ouvrière. On a vu quand même en conclusion, peut-être expliquer cette marginalité-là, ce passage manqué-là, entre la classe ouvrière et l'autre forme de politique contestataire puis une politique indépendante. Là. C'est peut-être ça, justement, cet oubli ou ce fait que la question nationale n'a jamais regroupé jusqu'à la révolution tranquille les luttes contre les travailleurs. Là, je ne sais pas, là, notamment, il n'y a pas de jeu de nationalisme loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, la question nationale, elle n'est pas ou très peu posée dans les mouvements progressistes. Donc, depuis les patriotes, pour le peu de questions nationales qu'il y a eu chez les patriotes. Au contraire, les forces progressistes, dans toute cette période-là, que celles qui étaient réformistes, revendiquaient une centralisation économique et politique autour d'Ottawa et de l'État canadien. Genre, qui menait une politique progressiste, beaucoup plus confiance à l'État canadien et à l'État québécois, qui était assujetti à l'Église catholique quand même, là, mais aussi là, qui était assujetti au capitalisme, mais il a beaucoup plus confiance à Ottawa qu'à Québec pour mener des réformes progressistes, entre autres. Par exemple, mais aussi des politiques sociales au principe de chômage, ce genre de choses. Et c'est vraiment. Bon, dans le récit de fait, là, qui est vraiment tout un marathon, il y a une tentative de faire des liens entre des fragments historiques qu'on n'a pas tout à fait réussi. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment un essai, puis on va peut-être un jour répéter l'expérience, mettre ça à l'écrit. Il y a quelques acteurs qu'on n'avait pas évoqués. Des acteurs qu'on n'a pas évoqués. On pense à des minorités ethniques ou immigrantes là, qui ont marqué le mouvement québécois ou qui ont participé à des luttes sociales. Dans les communautés noires, on sait par exemple que dans les années. Mais là, bon, je ne suis pas rendu là, par exemple, 1960, par exemple, les Noirs ont occupé un rôle central dans la politique contre les affaires à Montréal, par exemple. Les Juifs, par exemple, ont formé presque une contre-société à Montréal, ils sont beaucoup impliqués dans les syndicats. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé d'un acteur qui est super important pour toute la politique contestataire, c'est le rôle de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, entre autres, comme porte-parole potentielle ou comme allié. Et puis, que ce soit la bourgeoisie libérale, social-démocrate, catholique de gauche, il y a des personnages qui sont importants, intéressants pour faire une histoire du Québec. On peut penser à plein de gens. Ah oui, il y a même une télésérie où il y a un acteur principal qui fait partie de la bourgeoisie radicale républicaine, Dino, avec Arthur Bui. Bon, pour ceux qui ont le câble, la télésérie. Puis Arthur Bui, ben écoute, c'est un personnage intéressant. On ne peut pas le vraiment dire, c'est quelqu'un de gauche. On peut voir peut-être en lui un rendez-vous manqué justement entre les républicains et une politique ouvrière au Québec. Un autre, Médéric Lanteau, qui a lutté contre la Confédération en 1867, puis qui en même fils de patriote, puis en même temps qui a organisé un des premiers syndicats ouvriers montréalais avec des grosses manifestations dans la même année. On ne peut pas faire une histoire des politiques contestataires en oubliant un autre juriste. Mais on a vu, on n'a pas été capable d'établir nécessairement de ligne commune hein, entre ces différentes politiques contestataires-là. Par contre, elles sont sujettes à des formes de subordination. On peut penser à quelques catégories là. Coloniales, patriarcales, capitalistes, étatiques, dans certains cas. Mais les liens entre ces mouvements sociaux-là, je pense qu'il y a une réflexion théorique à élaborer qu'on n'a pas pu faire, puis aussi là, à décrire historiquement. Et concernant le palliatif effacement de la question nationale dans l'histoire, c'est quand même vraiment important parce que au Québec, la question nationale elle est vraiment devenue importante au tournant du 19e siècle pour plein de bonnes, de mauvaises raisons, mais surtout de bonnes raisons. On peut penser, bon, ça a commencé avec la pendaison de Louis Riel en 1887, je me souviens, il y a eu des grosses manifestations. Et pendant ce temps-là, les ouvriers ouvriers préféraient appuyer le gouvernement que pendu Louis Riel parce qu'il y avait la politique nationale, justement, qui était protectionniste et qui défendait finalement les emplois de travailleurs. Mais plein d'autres faits historiques qui ont mis le Québec un peu en état de siège psychologique et politique. On peut penser à presque une interdiction d'enseignement, pas une interdiction, mais un non-financement du français en Ontario, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, ce fait que vous avez l'impression que votre langue est en voie d'assimilation, aucune lutte contre votre langue, et donc langue égale nation hein, dans la définition du nationalisme québécois. Toutes les raisons qui fait que le nationalisme, lui, a augmenté et a augmenté encore plus dans la lutte contre la conscription lors de la Première Guerre mondiale. On parle avec la lutte de la conscription et les meules qu'il y a eu. Les conservateurs n'ont jamais été élus au Québec jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été lavés. Pas un conservateur qui s'est fait élire. Pourquoi? Parce que les Québécois et les Québécois ont majoritairement une identité de conservatisme en étant une force contre la nation québécoise, donc on vote pas contre eux. On vote pas pour eux. Et dans une question nationale qui est devenue centrale dans la première moitié du 20e siècle, les forces progressistes, elles ont été effacées puis vice-versa de ce côté-là. Est-ce que les choses ont progressivement changé autour de la Deuxième Guerre mondiale? Dans un conflit, grosse guerre, on n'en parlait pas, la grosse guerre d'asbestos, personne ne parle de la question nationale, mais c'est vraiment à partir des. Même dans la lutte contre Duplessis, ce n'est pas nécessairement une lutte nationaliste, c'est une grande coalition libérale, syndicale, ouvrière, intellectuelle, qui s'est coalisée autour de l'élection du Parti libéral pour lutter contre Duplessis. Et lorsque le. Je sais pas, je sais pas, je il y a eu un début de. Il y a eu la révolution tranquille, et cette révolution tranquille-là s'est faite dans un contexte nationaliste où la question nationale est devenue prédominante et centrale dans la politique contestataire. Du moins pendant, quoi, 20-30 ans, de nos jours encore, pour beaucoup de militants, mais pas pour tous ces trucs. Ce que la question nationale a réussi à faire, c'est coaliser. Ce que l'indépendantisme a réussi à faire pendant 20-30 ans, c'est coaliser des forces progressistes pour le changement social, le changement social progressiste quand même, entre autres féministes. Les féministes en 1970, elles étaient indépendantistes chez les francophones. Je ne peux pas parler pour les autres communautés nécessairement. Mais par contre, on sait, dans la politique indépendantiste officielle, la question amérindienne est un peu effacée. Mais un anthropologue qui est amérindianiste, qui est en faveur des droits des Amérindiens, il est probablement membre du Parti québécois, il vote probablement dans les congrès du Parti québécois pour que le Parti québécois ait une politique convenable à ses yeux. Ça a suffi, ce genre de coalition-là, jusque dans les années. Ça a traversé le début du néolibéralisme dans les années 80. Ça a probablement fait long feu jusque dans les années 90 et ça s'est arrêté là. Cette grande coalition là, autour du mouvement indépendant. Maintenant, on se retrouve un peu comme l'histoire qu'on a faite avec des fragments. Des fragments qui se regroupent des fois dans des grands moments populistes. Le mouvement 2012 en est peut-être un. C'est quand les gens sont descendus avec des casseroles, ils sont sortis du simple, la grande coalition étudiante autour de la classe. Là, on a vu quelque chose qui dépassait une corporation, un groupe qui défend dans une mobilisation sociale. Mais il reste, là, maintenant, on est en 2016, de voir, ça peut être une question hypothétique. Qu'est-ce qui peut rassembler les différentes formes de politique contestataire, le mouvement queer, féministe, ouvrier, étudiant, etc., amérindien, etc. Qu'est-ce qui peut les rassembler et nous permettre d'obtenir que ce soit des réformes, ce qui est quand même un enjeu parce qu'il faut défendre ses conditions de vie, ou le grand soir, pour ceux qui désirent obtenir le grand soir, la condition. Comment faire ça? Ben, c'est une bonne question. Donc, on ne répondra pas ici. Merci beaucoup pour votre présence.